mais moi je crois profondément qu'Internet peut être un formidable auxiliaire de démocratie participative. Il faut faire cette éducation du pays pour qu'il apprenne que désormais son avenir, c'est le métissage. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Chers amis, bienvenue sur Démocratie Participative, saison numéro 1, épisode numéro 26, en partenariat avec TRS, The Right Stuff, la plateforme radiophonique de l'alt-right américaine, disponible sur le site therightstuff.biz. Je vous invite, si vous êtes anglophone, si vous comprenez l'anglais, à la visiter et à écouter les émissions. Alors, sans transition, et toujours avant de passer à l'émission en elle-même, je vous invite à nous contacter sur notre boîte email à Démocratie Participative sur l'adresse suivante, Démocratie Participative, pas d'accent sur démocratie, @mail.ru, je répète, Démocratie Participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @mail.ru. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube, qui s'appelle aussi Démocratie Participative, évidemment. Abonnez-vous, c'est important, vous recevez les alertes. Sur Facebook également, vous avez les vidéos que vous pouvez partager, enfin les vidéos, les émissions que vous pouvez partager avec vos amis. Et sur la plateforme SoundCloud, là c'est uniquement du MP3, vous pouvez aussi télécharger et du coup le mettre sur votre, votre iPod ou le lecteur que vous avez sur votre smartphone, etc. Et écouter l'émission après. Dans des milieux, notamment multiculturels, c'est toujours agréable d'écouter l'émission en milieu multiculturel. Un petit clin d'œil à ceux qui nous écoutent, qui notamment en Île-de-France. Alors, je vais présenter ceux qui participent aujourd'hui. Il y en a. Bon, ils sont bien établis quand même. Hein. Je commence avec Frédéric Dans-l'Évier. Salut Fred. Alors, salut à tous. C'est Frédéric Dans-l'Évier. Alors comme d'habitude, calorie in, calorie out, de la fonte, alors des petites vidéos à gauche à droite, hein, comme d'habitude, et oui, ça va très bien, je suis d'attaque, il n'y a pas de souci. De la philosophie aussi, à temps perdu sur Facebook. Hein. Oui, un petit peu de philosophie à la portugaise, mais bon, enfin, voilà, modestement, j'essaye de faire avancer, n'est-ce pas, le Schmilblick. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. Poporovitch, salut Poro. Shalom alaikum à tous, bonjour, bonsoir. Comment vas-tu? Est-ce que ça gaze? Ça gaze, sans mauvais jeu de mots. Ah mais moi je fais pas de jeu de mots, Fulbert, je sais pas comment te qualifier, je veux dire, notre belge favori, disons. Ça va Fulbert? Ça c'est gentil, mais bonjour à tous et bonjour Gandalf. Tu sais, Fulbert, que t'as des fans, hein, attention. Hein. Oui, ça, c'est ce qu'on me dit. Mais c'est étonnant, hein, je n'en reviens pas moi-même. Si c'est ton sex appeal, ça, Fulbert. Ça doit être ça. Ça passe à travers, à travers le micro. Ça fonctionne, cette affaire. Argyle. Argyle aussi a des fans. Hein. Argyle, un ton franc, une sincérité toute gauloise qui plaît aussi, il faut le dire. Ben bonjour à tous, vous me manquiez, je suis content d'être de retour parmi vous, avec des gens aussi nauséabonds que vous, c'est très agréable. Ah c'est vrai qu'ici c'est quand même l'antre de la bête immonde dont le ventre est toujours... Fécond. Fécond. Voilà, c'est bien. Et Magdav qui va participer avec nous à cette émission. On apprécie Magdav et ses appels récurrents à l'amour et à la paix entre les peuples. Salut Magda. Au socialisme, le socialisme envers et contre tous, surtout quand il est national. C'est vrai, il faut le souligner, ça c'est important. Alors, chers amis et chers auditeurs qui vous écoutez, je vais pas vous décevoir, je pense pas que je vais vous décevoir parce que notre première séquence, notre première rubrique, Autisme Radical, m'a procuré beaucoup de plaisir en la préparant, et sans transition, on commence. Autisme Radical, sujet numéro 1, et là je vous invite, parce que nous enregistrons l'émission, nous sommes le 17 décembre, nous sommes samedi, mais elle sera diffusée plus tard, mais dimanche 18, c'est la journée internationale des migrants, C'est beau. Et alors, l'ONU se mobilise. Alors, je cite hein, le site de l'ONU. « En cette journée internationale des migrants, j'appelle la communauté internationale à s'employer à la mise en place d'un pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, afin de bâtir un monde de paix, de prospérité, de dignité et de possibilités pour tous. » Je cite donc Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, coréen, sur le départ d'ailleurs, hein, il va être remplacé très bientôt. La journée internationale des migrants, je cite toujours le site, est l'occasion de dissiper les préjugés et de sensibiliser l'opinion à leurs conditions dans les domaines économiques, culturels et sociaux, au profit tant de leur pays d'origine que de leur pays de destination. Et c'est vrai que, et là je vous invite à commenter, cette journée internationale des migrants, c'est vrai qu'en tant que pays de destination très, très privilégié, la France a le souci de lutter contre les préjugés, contre les migrants. Bon, ouais, c'est surtout l'occasion de distribuer des nègres. Alors c'est pour Noël, là, donc voilà, le 18 décembre, Noël arrive. Et effectivement, on ne sait pas trop quoi offrir. Alors, on va offrir un peu des nègres à tout le monde. On ne sait pas trop quoi en foutre. Hein. Ils sont là, ils ne servent à rien. Donc, on va en mettre dans toutes les chaussettes pour Noël, quoi. Alors, ouais, parce que alors, les préjugés sur les migrants, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme préjugés sur les migrants? Mais des trucs vraiment infondés. Moi, je me demande ce qu'il peut y avoir comme préjugés sur les migrants, parce que je ne sais pas si vous avez vu les images de ces centaines d'Africains qui sont rentrés à la frontière espagnole dans la petite enclave qu'ils ont au Maroc, là. Et quand on a vu, enfin, sur les images, la tronche des Africains qui rentraient. Là, on était, mais au must du must, quoi. Là, le climat, bah, ils avaient l'air quand même apaisés, soucieux de s'intégrer dans leur pays d'accueil, tout ça. Enfin, tout était là, quoi. Tous les ingrédients étaient réunis. Ils pouvaient détecter leur QI à 10 points près, rien qu'en les regardant, quoi. Là, on était vraiment les astrophysiciens, les ingénieurs, les architectes, les médecins, ils étaient là, quoi. Là, vraiment, tu sens bien qu'ils vont, s'assimiler à la population européenne sans problème, être courtois et charmant avec nos femmes. Enfin, tu sens pas du tout les mecs qui arrivent en mode pillage, la machette entre les dents et la bite à la main, quoi. C'est, là, tu as vraiment, là, ils y sont, ils rentrent dedans, c'est la bande d'Africains qui arrivent pour tout piller. Et je crois que lâcher ces gens-là dans la nature va participer au vivre ensemble. Et j'espère surtout que toutes les personnes qui favorisent l'arrivée de migrants vont profiter très rapidement, en fait, de la rencontre avec ces richesses qui nous viennent d'ailleurs. Bah, ça va vraiment sensibiliser l'opinion et contribuer à dissiper les préjugés, je crois. Là, ça c'est. Non, il y a plein de préjugés sur les migrants. Par exemple, ce seraient des violeurs. Alors ça, je veux dire, les migrants sont pas des violeurs. Ils n'arrivent pas jamais. Pas du tout. Ça fait partie de leur identité culturelle et de leur approche différente de la condition féminine, c'est tout. La sexualité, effectivement. Ouais. Bah, de toute façon, il faut d'ailleurs. Qui ça, les apprécie? Je dis que les féministes apprécient beaucoup, hein, lorsqu'on voit le nombre de panneaux Refuse Welcome ou des histoires comme ça, tant mieux. Ouais. C'est-à-dire qu'on a quand même l'impression avec ça que les féministes sont un peu dans l'appel au viol, quoi. C'est-à-dire qu'elles ont pas envie d'hommes blancs, européens, etc., mais on a l'impression qu'elles cherchent quand même de la brute, de la brousse pour leur foutre des claques, quoi. C'est quand même impressionnant, hein. Bah, à mon avis, elles appellent plutôt au viol des non-féministes, en fait. Oui, voilà, c'est plutôt ça, ouais. Comme Clémentine Autain, hein, qui parle de son viol sans arrêt, mais qui apparemment, une certaine fascination pour la virilité afro-maghrébine. Putain, ça, c'est fascinant, ouais, effectivement. Bon, enfin, bon, là, contre-productif. J'en ai marre, vous êtes contre-productif. Je lance l'émission en disant « C'est la journée internationale des migrants ». Qu'est-ce que vous faites? Vous balancez des préjugés sur les migrants. Ça va pas le faire. Je suis pas d'accord. Pardon. Il y a Hopman qui vient d'arriver, je signale, hein, pour nos auditeurs. Voilà, comme ça. Salut Hopman. Il vient de nous rejoindre. Ça va, Hopman? Ça gaze? Salut tout le monde. Bah, écoute, moi ça va bien. Je fais des activités particulièrement intéressantes actuellement. Je peux pas trop. Écoute, sans transition, je te pose la question. Demain, c'est la journée internationale des migrants, 18 décembre. Est-ce que tu as partage une petite pensée là-dessus? J'ai envie de leur dire, écoutez les mecs, bienvenue, hein, bienvenue en France, en Europe, pour violer des blanches, pour voler des blancs, hein, faites-vous plaisir, après tout, tout le monde n'attend que vous, quoi. Ah, mais dis pas de préjugés. T'as une journée, tu peux pas. Une journée ne veut pas avoir de stigmatisation, de préjugés, d'idées préconçues sur les migrants. Merde. Non, mais c'est un effort sur soi à mener. Je veux dire, bon, 364 jours dans l'année, t'as le droit d'être normal, c'est-à-dire de voir les nègres pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire les nègres et les bougnoules, parce que bon, faut être généreux quand même dans l'affaire. N'oublions pas les Turcs d'ailleurs, ils sont plus fours, mais c'est la même boutique. T'as le droit de dire ce que t'en penses, c'est-à-dire la vérité, que ce sont des crapules et des pillards, et des violeurs, mais un jour dans l'année, tu peux faire un effort, Dixit, le camarade Ban Ki-moon, il a un nom à coucher dehors celui-là aussi, et dire, non, mais attendez, c'est formidable, le cœur sur la main, le portefeuille à disposition, c'est ça, non? Et les fesses bien écartées. Alors je rectifie le tir, j'ai envie de dire, écoutez, j'ai hâte véritablement de rencontrer Mahmoud ou Mamadou, docteur donc en sciences nucléaires, provenant d'un pays au nom imprononçable, et qui certainement va véritablement enrichir ma vie, tant sur le plan économique que sur le plan émotionnel, que sur le plan des connaissances. Merci Mahmoud. Ah bah c'est nettement mieux. C'est bien. Ah ça c'est bien. Voilà. Tout de suite on sent la différence, hein. Bon, bah l'année prochaine, pour la prochaine année, la prochaine journée des migrants, machin, etc. Bon, c'est bien. Il va falloir le travailler le truc, hein, moi je vous le dis. Hein. Mais en fait, c'est vraiment là, parce qu'on en a quand même déjà pas mal. Donc c'est vraiment distribution, ventilation de nègres supplémentaires pour Noël, quoi. C'est le cadeau pour tout le monde. Bah c'est-à-dire le tiers monde chez toi et en plus il faut dire merci, hein. Voilà. Et avec le sourire. Voilà. Non mais voilà. Je trouve ça fort, mais je devrais m'y habituer. Mais c'est tout simplement la bonne vieille propagande hein, habituelle. Avec le culot, bien sûr, qui s'accompagne. Hein. Les types n'ont pas peur. Ils font des journées, des commémorations, des trucs, des machins, des bidules. Quand est-ce qu'on vaporise l'ONU ? Parce que là, quand même... Hein, ah ouais, non, alors, bah écoute, on va avoir l'occasion peut-être d'en parler. Il n'y a pas quelqu'un qui a une sorte de laser surpuissant là, qui pourrait nous faire un tir ciblé, je sais pas. Il y avait des gens qui avaient des idées, mais ils sont morts il y a 70 ans. Merde. Alors, quand même, sur le sujet, on parlait de la propagande, là, c'était une énorme et grotesque propagande. Il faut quand même analyser ça. Du fait que ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionnait, si les gens se disaient « Ouais, c'est chouette de se faire envahir comme ça, c'est super. » Mais en fait, plus ils font de propagande, c'est parce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a une hostilité de la population autochtone. C'est évident qu'ils n'en feraient pas autant, ils n'en feraient pas des tonnes à ce point-là, si la population était réceptive, à part quelques gauchistes dégénérés, à part quelques associatifs pro-immigrés, la plupart des gens normaux sont même les socialistes, sont contre, vivent de trop près avec ces gens-là. Donc c'est certain que cette propagande, elle a quand même pour but d'essayer de convaincre une population majoritaire qui ne veut pas se laisser envahir, même si elle ne le traduit pas politiquement. Et c'est impressionnant à quel point ils persistent, hein, parce que de toute façon, il y a des études qui ont été faites là-dessus, tout montre qu'en réalité, plus ils insistent avec leur ventilation nègre, etc., en fait, plus les gens deviennent racistes, deviennent tout ce que vous voulez. Donc, je sais pas quel est leur projet, mais je pense pas que ça fonctionne vraiment pour les faire accepter. Hein. Je pense que ça va plutôt radicaliser une partie du public. C'est bien fait, alors. Oui, c'est bien. Voilà. C'est pas mal. Bon, alors, avant les fêtes, bonne journée des migrants internationaux à tous, chers auditeurs. Je sais que votre cœur vibre. Hein, à l'idée de Mamadou qui va passer les fêtes dans un camp, voilà, c'est triste. Enfin, c'est pas le bon camp, mais ça va évoluer, ça. Je pense qu'on va y travailler tous ensemble. Alors, sujet numéro 2, guerre en Syrie. Alors là, je pense que les Français ont dû en prendre une sacrée louche hein, cette semaine dans la tête avec Alep. Alors, je vous rassure, on va pas faire de la géopolitique, etc. Pas de sujet rébarbatif aujourd'hui, mais enfin, j'ai décidé de choisir, de cueillir. La conne gauchiste de la semaine, ça peut être utile. Nicole Ferroni, qui fond en larmes lors de sa chronique sur Alep. Alors là, je cite hein, un article qui fait état de sa chronique. Je vous invite à la regarder. On va peut-être citer un élément de sa chronique très court, hein, parce que c'est indigeste en fait. Car la guerre avale toutes les couleurs et met du noir à la place. La guerre, c'est l'horreur, et pas si loin ni dans l'espace ni dans le temps. Alors vous allez me dire, mais Nicole, vous n'allez pas finir cette chronique comme ça. Non, je vais finir par un tout petit trou fait par les mots de mon papa, qui après avoir vécu des bombardements quand il avait 8 ans, après avoir été militaire, vit maintenant des jours paisibles et a pour la guerre un projet d'avenir. Il me dit, tu vois des fois Nicole, on dit le cannibalisme avant c'était répandu et maintenant les gens disent, les hommes se mangeaient, pardon. Je suis désolée. Les hommes se mangeaient et on appelait cela du cannibalisme. Et ben un jour, peut-être, qui sait, la guerre sera si loin derrière l'humanité qu'on pourra dire les hommes se tuaient. Ils appelaient cela la guerre. Voilà. Alors, le rapport, voici ce que dit un article à ce sujet. Elle a pour habitude de faire pleurer, de faire rire. Mais ce mercredi 14, elle a choisi de dénoncer et de ne plus tout laisser au sarcasme, en quelque sorte. Ni même au sourire. Nicole Ferroni, comédienne et humoriste française, révélée aux yeux du public dans l'émission On ne demande qu'à en rire sur France 2, a ce mercredi 14 au matin choisi de parler de la guerre en Syrie et de la situation dramatique de la ville d'Alep dans sa chronique sur les ondes de France Inter, un sujet qui l'a fait pleurer. Ses larmes ont fait le tour des réseaux sociaux. Sur sa page, la vidéo cumule près d'un million de vues. Alors, ça, c'était au moment où l'article a été écrit. Mais en fait, depuis, la vidéo que j'ai regardée, elle a fait 4 millions de vues. Et en fait, t'as une gauchiste. Alors, je sais pas si vous êtes bien rencardé sur l'affaire, mais enfin, il y a une gauchiste qui chiale sur Alep. Ça fait 4 millions de vues. Ça fait un putain de tabac. Sa vidéo a fait un putain de tabac. Hein. C'est diffusé sur France Inter, en France. Beaucoup, beaucoup de gens ont compris le conflit en Syrie et sa dernière étape. À Alep, par les spasmes hormonaux de Nicole Ferroni. Qui veut réagir je m'arrête là. Qui veut réagir? On est dans le même. On parlait de la propagande pro-migrant. La propagande anti-Assad et pro-rebelles modérés est à peu près la même. Quoi. Donc on est un peu dans cette espèce de propagande mais grotesque. Et puis là c'est le top, quoi. C'est l'espèce de nana hystérique. Faut voir sa gueule, hein. J'invite les auditeurs à taper son nom et voir sa gueule. Elle a tout à fait la gueule de la féministe moche, mal dans sa peau. Enfin, voilà, c'est une caricature. D'ailleurs, elle avait sorti un truc il y a pas longtemps. Elle avait fait parler d'elle parce qu'elle avait dit qu'il fallait, dans une chronique, elle avait dit qu'il fallait accueillir les migrants car nous sommes un sac de vieux atomes. Elle avait dit qu'on était tous des migrants parce que on était le produit d'une incroyable migration atomique. Vous voyez un peu. Non, nous, on avait dit, nous sommes tous des êtres unicellulaires. C'est-à-dire qu'on avait poussé le concept beaucoup plus loin. Dans notre émission, on avait dit voilà, parce qu'il y en avait qu'on est tous des êtres humains, etc. Puis alors, d'audace en audace, on avait dit voilà, il faut aller jusqu'au bout. Et voilà, on est tous des êtres unicellulaires. Bah, on a tous commencé petit et on partage tous cet ancêtre commun, effectivement. D'une amie. Voilà, on est tous frères quelque part. Hein. Voilà. Je me doutais bien que ça n'avait pas échappé à votre sagacité, cette anecdote. Donc en fait, elle cumule quand même. Et puis bon, France Inter aussi, attention, on est quand même là sur une radio avec un effectif tout de même très. Très levantin aussi, et donc avec une volonté de pourrissement des valeurs de notre civilisation, quand même relativement avancée, relativement élevée. France Inter. Donc oui, sur Alep, là, il faut voir. Bon, là, c'est quand même, on est au paroxysme avec notre Nicole Ferroni, mais il faut voir aussi tout ce qui est utilisé sur les journaux, par les journaux télé de TF1, de France 2. Donc là, on s'est aperçu aussi que la plupart des faux habitants d'Alep sont en fait des journalistes ou des blogueurs. Enfin, on est vraiment dans la propagande de guerre totale et malheureusement avec un peuple léthargique, déculturé, qui ne s'intéresse à rien à part jouir ou regarder la télé. Bah, voilà, ils vont s'émouvoir de cette conne qui chiale. Tout devait être prévu, en plus tout devait être prémédité. C'est assez malheureux, mais voilà, il faut savoir que les Français regardent plus les anges de la télé-réalité plutôt que National Geographic ou des choses. Voilà, ils s'adressent à un public de gens qui ont comme centre d'intérêt des choses quand même assez désolantes. Ouais, mais je veux t'interrompre un petit peu quand même. T'es en train de subodorer qu'il y a des juifs sur France Inter. Bah non, c'est pas vrai. Ah, il y a Patrick Cohen. J'ai jamais dit ça. J'ai juste éveillé la curiosité de nos auditeurs sur une communauté qui serait surreprésentée parmi France Inter. Mais bon, voilà, c'est tout. Je jamais. Dixit, Renaud Camus. Quelque antisémitisme, quelques questions nauséabondes que je pourrais me poser. Ouais, sur j'ai idée. Jamais entendu bon, parler de ça, moi. Voilà, cette idée. Je vais aller me renseigner sur les présentateurs de France Inter. On va voir. Hein, moi, je sais pas de quoi tu parles. Il y a Patrick Cohen. Il y a pas de problème. Hein. Comment dire ? Moi, je veux revenir un peu sur le truc là. Parce que ce qui se passe là, enfin, il faut pas rentrer non plus. C'est pas le sujet de rentrer dans la complexité du conflit. On s'en fout. À Alep Est, parce que c'est pas toute la ville d'Alep, c'est Alep Est, sont encerclés en fait, pour l'essentiel, des volontaires djihadistes d'Al-Qaïda et d'autres groupes comme le groupe salafiste Ahrar al-Sham, etc. C'est complètement disponible sur YouTube, vous pouvez vérifier. Alep ou Aleppo, djihadistes, islamistes, etc. Tapez ça en anglais, etc. Vous aurez toutes les vidéos que vous voulez. Donc, on ne peut pas dire « je sais pas, j'ai pas compris, j'ai pas vu », etc. C'est hallucinant. C'est-à-dire qu'on a des gauchistes finis à la pisse. Nicole Ferroni, si tu m'entends, je suis navré de t'apprendre que t'es fini à la pisse. Qui pleurent sur les djihadistes d'Alep Est. Parce que les mecs se racontent un truc genre, je sais pas ce qu'ils ont à la tête, ils se disent « c'est le ghetto de Varsovie » ou je sais pas quoi, tu vois. Genre, ils sont persécutés et tout. Non, c'est des djihadistes, c'est des gens, c'est des égorgeurs, c'est des coupeurs de tête. Il y avait des tribunaux islamiques dans cette partie de la ville établie depuis 2012. On coupe les mains, on coupe les têtes, on assassine des enfants, etc. Ça, c'est filmé, c'est disponible. Vous pouvez regarder ça en ligne, il n'y a pas de souci. Et c'est là qu'on voit, en fait... toute la connerie de la petite prof de gauche, en fait. C'est-à-dire la connasse qui réagit avec ses ovaires, quoi. Il y a zéro culture, il y a zéro intellect, il y a zéro curiosité, il n'y a pas du tout de volonté de creuser le sujet, d'aller dans la complexité. C'est des vapeurs, de l'émotion, voilà. J'ai des spasmes, vite, à l'aide, etc. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors évidemment, derrière, il y a des gros malins, là je pense plutôt au Quai d'Orsay en France, hein, au ministère des Affaires étrangères, qui eux savent très très bien qui ils soutiennent, c'est-à-dire des égorgeurs et des assassins, qui ont, entre nous soit dit, entrepris de génocider les chrétiens d'Orient, qui jadis étaient protégés par la France, mais ça c'était avant, n'est-ce pas, que le Grand Orient et que toute la clique prenne le contrôle total de la diplomatie française. Maintenant, c'est de la démocratie à plein tube. On voit ce que ça donne. Bon, bah voilà, vous avez au petit matin, il faut se mettre dans la tronche du mec. C'est-à-dire que vous prenez votre bagnole, vous allez au boulot, ouais, vous êtes dans le périph, vous êtes bloqué et tout, vous allumez la radio, putain, qu'est-ce que je vais écouter, France Inter, et là, il y a Ferroni qui chiale, qui dégueule son truc, etc. Et en fait, vous êtes cultivé pour la journée. Ouais, sauf qu'en fait, vous êtes solidarisé avec des djihadistes. Formidable, Al-Qaïda, tout va bien. Bon, c'est juste les mecs qui ont flingué les mecs de Charlie Hebdo. Visiblement, ça pose pas de problème. Mais je pense que tu vas un peu vite en besogne quand même, parce que tu sous-estimes un peu, à mon avis, l'intuition féminine, parce que Ferroni, quand on la regarde, c'est quand même une sale tronche de féministe hystérique imbaisable, hein, réellement. Ah ouais, elle est imbaisable. Et, bah oui, non, mais c'est-à-dire qu'elles ont... Regarder, non, regarder, regarder. Oui, oui, il y a un intérêt profond, c'est-à-dire que je pense que ça, c'est la catégorie de gonzesses qui n'a d'espoir, en fait, que de se faire troncher par des migrants qui débarquent du tiers-monde, c'est tout. C'est-à-dire que, bon, concrètement, il n'y a qu'à voir sa gueule, les mimiques qu'elle fait... Le mal-être profond qui s'exprime, l'hystérie qui s'exprime, ouais, etc., ouais, ouais, à travers son visage. Je veux dire, il faut vraiment être désespéré, avoir faim, voilà, pour toucher à ça, hein. Donc je pense que, et ça s'observe souvent, c'est chez ce genre de femmes, d'avoir vraiment envie d'importer du nègre, d'importer du bougnoul comme ça, parce qu'à mon avis, profondément, elles se disent que simplement ça va augmenter l'offre sexuelle et faire monter leur valeur sur le marché sexuel, qui, à mon avis, dans une société normale, dans une société européenne, personne n'a envie d'y toucher. On voit que c'est des fruits pourris, quoi. Donc, je pense que quand tu dis que c'est un manque d'intellect, que c'est un manque de culture, etc., je pense que tu vas trop vite en besogne et qu'en fait, la façon dont elle prend la défense de ces gens, ça exprime quelque chose qui est profondément dans son intérêt bassement reproducteur, si je puis dire. Alors, en fait, c'est même trop généreux, je pense, parce que il y a Argal qui a dit c'est calculé, etc. Alors oui, effectivement, le Quai d'Orsay calcule ses plans, soutient les coupeurs de tête en Syrie. D'ailleurs, maintenant, enfin, on en arrive à ces trucs avec la Tour Eiffel qui s'éteint avec Hidalgo, qui est une. Alors, faut voir la vache espagnole qui est là, qui. La pauvre fille, elle sait même pas. Je suis même pas sûr qu'elle sache situer la Syrie sur une carte. Et on est dans cette espèce de truc qui est tragicomique, c'est-à-dire on a des clients comme Hidalgo, comme Ferroni. D'ailleurs, ils ont tous des noms, hein, c'est marrant, hein, c'est toujours très au sud, hein, je sais pas pourquoi, qui sont comme ça, là, ils nous sortent leurs trucs, etc. Et il y a zéro, comme j'ai dit, il y a zéro intellect. Toi, tu me dis, ouais, mais alors, soit que, comme dit Argel, c'est un calcul très froid, très cynique, ça, d'accord, mais ça, c'est au niveau diplomatique, au niveau des instances internationales, je suis d'accord, mais au niveau d'une connasse comme Ferroni, pas du tout, à mon avis. Et toi, tu dis, ouais, mais c'est une stratégie de reproduction parce qu'elle est contente d'avoir des brutes hirsutes pour essayer de la troncher, etc. Ce qui n'est pas totalement faux, je veux dire, au niveau de l'inconscient. Mais là, pour le coup, quand tu la vois tressauter avec ces espèces de rictus, etc., là, tu sens vraiment que c'est la folle antifasciste qui est dans sa folie, quoi. Non, mais justement, c'est la connasse de gauche qui veut expier les péchés supposés de la race blanche en se faisant bourriner le cul par des nègres. Les féministes, féministes veulent se faire violer par des métèques. C'est vraiment la conclusion, c'est ça, hein. Ah, bien sûr. En fait, pourquoi est-ce qu'elles importent de la poutre de Bamako sauvage mais pas dressée? Enfin, dressée, mais pas bien dressée sur le point de vue de l'autorité. Elles aiment ça. Et d'ailleurs, c'est un tabou, hein. Mais en fait, il y a un tabou qui est très connu, qui est celui du plaisir pendant le viol. Et c'est très féminin, tout ça. On va s'attirer les foudres de nos auditrices, mais l'hystérie, Ferroni, qui est une prof de gauche, réellement, hein, puisque tu disais tout à l'heure, c'est l'hystérie de la prof qui réagit avec ses ovaires, elle vient vraiment du milieu enseignant, elle est prof de physique. Pour ça, ah bon, bah, voyez, faisait... bah, j'ai un instinct très sûr, voyez. Ah, bah, c'est pour ça qu'elle faisait l'allusion avec nous sommes tous des migrants cellulaires. Parce que. Migrants atomiques, s'il te plaît. Hein. Ouais, atomiques. Non, mais, ce nihilisme, genre, il n'y a même plus de polarité, il n'y a plus de sud, il n'y a plus de nord, il n'y a plus. Enfin, c'est fou, quoi. Bah ouais, bon. Et nous sommes tous frères, parce que nous sommes tous issus. Du même univers. Nous sommes tous issus de la soupe primordiale, voilà. Avec ça veut rien dire. Genre, si on est frères, il y a un ordre. On peut pas t'expliquer que t'es un atome et que tu veux rien dire et qu'il y a pas d'ordre et t'expliquer qu'il y a un ordre et qu'on est frères. Donc, soit c'est la fraternité, il y a un ordre, soit on est rien, on sait pas où on va, on sait pas ce qu'on veut. Donc, la coconne, là, on va la renvoyer tranquillement à ses études. Chers amis, renvoyez Ferroni à ses chères études. Mais putain, mais elle officie sur France Inter et elle se défonce, hein. J'aime autant. Et elle a du succès parce que c'est ça le truc qui est terrifiant. C'est-à-dire qu'il y a 4 millions de connards qui écoutent ces conneries. Donc là, à un moment donné, ça sera l'objet d'une autre discussion, mais quelque part, l'eugénisme, hein? Quelque part, ouais. Voilà. Sujet numéro 3, sans transition aucune. Paris, une pétition pour sauver les rats recueille plus de 17 000 signatures, au moment où la pétition était publiée dans la presse, hein. Alors là, je pense qu'on va avoir l'occasion de parler de Paris, ça va être sympa. Alors, je cite l'article. Depuis dimanche 11 décembre, Josette Benchitrit scrute le compteur de sa pétition en ligne. Je la cite. Il y a 4000 signatures dès la première journée, c'était hallucinant. S'étonne encore cette ancienne pédopsychologue, pas de jeu de mots s'il vous plaît, à l'hôpital d'Étampes dans l'Essonne, contactée par France Info. Je la cite encore. Aujourd'hui, ça s'est un peu calmé. Il n'y a qu'une signature toutes les 4 secondes environ. L'objet de cet engouement, un plaidoyer pour stopper, je cite encore, le génocide des rats à Paris, en réponse à une vaste campagne de dératisation lancée par la ville fin octobre. Jeudi 15 décembre, ils sont plus de 17 000 à l'avoir signé. Alors, j'enchaîne hein, avec l'article, vous allez voir, c'est pas mal. Le Parisien continue de citer cette chère Madame Benchitrit. Ces pauvres rats sont persécutés, dénonce celle qui s'autodéfinit comme une défenseuse des animaux mal aimés. Dans sa ligne de mire, l'idée selon laquelle les rongeurs poseraient un problème sanitaire. Elle reproche d'ailleurs au docteur Georges Salines, chef des services parisiens de santé environnementale, d'avoir évoqué, et là l'article la cite, une menace sanitaire réelle, dans une interview donnée le 8 décembre aux Parisiens. L'article cite encore Madame Benchitrit, c'est complètement faux. Et il faut arrêter avec cette phobie sociale. Putain, phobie sociale, j'ai découvert un mot, putain, un néologisme. Plaît-elle auprès de France Info ? France Info a pris le temps de l'interroger, la nanette, quand même. Face au succès de sa pétition, le principal intéressé est d'ailleurs revenu jeudi sur le sujet dans le quotidien, etc. etc. Alors, donc voilà, alors, il y a des mille. Alors, pour ceux qui nous écoutent, qui ne vivent pas à Paris, il y a des millions de rats qui pullulent partout. Oui, ça fait très longtemps qu'il y a beaucoup de rats qui pullulent partout à Paris, mais ces derniers temps, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et Madame Benchitrit hurle au génocide des rats. Elle veut combattre le génocide contre les rats. Je veux des réactions, là. Allez-y, franchement, c'est la fête. Ah bah c'est ben, Josiane Benchitrit ben, moi, ça me rappelle quelque chose. Un bon vieux film de propagande qui est vomi par nos amis du régime et qui est sorti il y a un trois quarts de siècle, qui comparait les rats à une certaine communauté dont Madame Benchitrit n'est probablement pas étrangère. Il y a cela. Il y a aussi quelque chose d'assez amusant. Le médecin qui s'y oppose s'appelle Georges Salines. Ça me fait penser à Georges Montandon. Ah, si je suis allé trop loin, vous coupez, hein. Pas du tout. Non, vas-y, vas-y, c'est bon, continue. Tu es en train de dire, en essence, que une vieille sorcière juive travaille à sauver les rats, quoi. Ah ben oui, comme puisque ce film de propagande que j'ai évoqué, qui était fait par les nationaux socialistes, comparait une certaine communauté, vous avez compris laquelle, aux rats qui couraient dans les rues, qui infestaient les caves, etc., etc. Eh ben, on est revenu un trois quarts de siècle en arrière à Paris. Et il faut préciser aussi que si à Bruxelles cela ne soulève pas la même émotion à ma connaissance, c'est aussi le cas à Bruxelles et à Marseille d'ailleurs, l'invasion des rats. Alors, moi, j'aurais deux remarques. La première, c'est que bon, il faut quand même se passer pour bien vérifier, parce qu'on se dire tiens, c'est pas un article du Gorafi, c'est pas une comédienne de Groland, non. C'est effectivement il y a vraiment une bonne femme qui souhaite sauver les rats à Paris. Et ma deuxième remarque serait aussi donc concernant cette invasion de rats, est-ce que ça aurait un rapport avec Paris, cette ville si propre, cette ville si accueillante, je voudrais bien voir s'il y a un certain rapport avec la parce que si là où il y a des rats, il y a de la saleté, il y a des ordures, il y a des choses qui sont accumulées peut-être par une certaine population. Donc qu'il y ait des milliers de rats à Paris, je suis pas spécialement étonné quand on voit que certains quartiers parisiens, certaines rues ressemblent à des rues d'Alger, de Bamako, et on retrouve toutes les spécificités d'hygiène qu'on peut retrouver dans le tiers-monde. Donc cette invasion de rats, à mon avis, est accompagnée en fait d'autres migrations, j'imagine. Et d'ailleurs, quelqu'un tout à l'heure a fait probablement justement remarquer qu'il y avait beaucoup de rats à France Inter. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais il faut voir sa gueule aussi, hein, à la Josette Benchitrit. Hein, il faut vraiment, en fait, l'effort, aller sur Google, taper Josette Benchitrit, vous allez voir, c'est magnifique. Hein. C'est vraiment la sorcière. Alors, je sais pas si elle est séfarade. Moi, j'aime bien parler des sorcières séfarades, mais je sais pas exactement. Mais en tout cas, une belle tronche de... Voilà. Hein. Alors, du coup, pour en revenir à ces rats qui pullulent dans Paris, des millions, parce que je voyais que notre ami Argal disait des milliers, non, je te rassure, des millions, il y a des millions de rats qui pullulent dans Paris, alors effectivement, c'est vrai qu'il n'y a pas que les rats qui font fuir les gens à Paris, il y a aussi accessoirement le terrorisme, les déprédations diverses et variées de certaines populaces, dont les Roms, particulièrement infectes d'ailleurs les Romains qui produisent les pickpockets, etc. Enfin, c'est Paris, c'est tous les charmes du pire du tiers-monde quand même. Mais tout ça au beau milieu d'un État développé. Je trouve ça assez fascinant. Quelqu'un a envie de parler de Paris en mal? Bah, je sais pas, il y a quelques, je crois que ça date d'il y a quelques années maintenant, il y a des gens qui avaient lancé un groupe qui prônait la vitrification nucléaire de la ville de Paris. Je pense que c'est quand même bien au goût du jour encore, hein. Faudrait peut-être y réfléchir. De Paris, vitrification nucléaire de Paris et sa banlieue. N'oublions pas la banlieue. Oui, oui, faut aller jusqu'au bout, effectivement. Soyons généreux. Je n'irai pas jusque-là, parce que fut un temps où Paris était une ville très agréable. Il y a eu une époque où, voilà, où on ne se faisait pas agresser à Paris. Ça a duré juste quelques années, mais où vraiment Paris était très bien fréquenté, même s'il y avait beaucoup d'étrangers, c'était l'une des villes les plus sûres du monde. Oui, c'était quand ça? C'était il y a genre avant la Première Guerre mondiale? Ouais, mais en même temps, la purification par le feu, je veux dire, c'est quand même une méthode à l'ancienne, hein, c'est prouvé, c'est testé. Non mais attendez. C'est classe quand même. La technologie, c'est bien. C'est-à-dire que maintenant, il y a des bombes hydrogènes, les bâtiments sont préservés, etc. Je veux dire, on pourra faire viser ça dans 3 générations et tout. Il y a des techniques, quoi. Je veux dire, ça avance, tout ça aussi. Ouais, donc, il y a une technique qui a été très très simple aussi, pour évacuer Paris de sa population la plus indésirable. Tu coupes les allocs, et tu vas voir, hop, ouais. Ça va être magique. Tout le monde va se barrer. Putain, les et allocs, ça, hein. Et alors moi, ma vieille marotte, on arrête de fournir les Lidl, les Leclerc, les Auchan. Aux nègres. Sinon, les auditeurs vont avoir peur. Il veut nous couper la bouffe. Non, rassurez-vous, chers auditeurs blancs, nous ne voulons pas vous affamer. Nous voulons affamer votre voisin, nègre, maghrébin, basané, de toutes les couleurs, bariolé, etc. Non, on pense à vous. On a un grand cœur. Bon, alors, cette séquence autisme radical était assez riche, me semble-t-il, et nous allons passer sans transition, très court, à notre rubrique numéro 2, LGBTQI. Alors, on en a parlé dans des émissions précédentes, c'est-à-dire que maintenant, ça devient ésotérique leur machin, parce qu'il faut être versé dans la science pour comprendre ce que ça veut dire. Bon, LGBTQI... Bon, moi j'ai abandonné, parce qu'ils vont encore ajouter des lettres, donc j'ai arrêté, mais en gros, bon, c'est la rubrique pédale, fiotte, enculé sidaïque, lesbienne tarée, voilà, c'est en gros c'est ça. Transsexuel, n'oublie pas les transsexuels, s'il te plaît. Ah oui, transsexuel, tu te mets de la bite en face, enfin, non même plus, parce que ça doit être fasciste plus ou moins d'avoir une bite, même quand t'es transsexuel, la bite en face, la bite sur la tête, j'imagine, bref. Ça, c'est le moment où on en parle. Alors, ça va te plaire, Frédéric. Article dans Le Point. Le Point, s'il vous plaît. Hein. Bah, ils font le point, quoi. Je veux dire, ils sont là, ils t'expliquent ce qui se passe actuellement, donc voilà. Ah bah, faisons le point. Le point sur ta sexualité. Frédéric, faisons le point sur ta sexualité. Serions-nous tous homosexuels? Cet article est signé de Alexandra Choucrou. Mais j'en ai marre, parce que j'ai l'impression à chaque fois de lire des pages d'un bouquin d'Hervé Risset. C'est vraiment fatigant. Alors, serions-nous tous homosexuels? Article signé d'Alexandra Choucroun, psychologue clinicienne qui étudie... Alors, Dixit l'article. Hein, notre moi homosexuel. Donc, vous êtes tous des PD, vous le savez pas. On va vous l'expliquer. Alors, je vous donne juste le premier paragraphe pour vous donner le ton, parce que ça commence avec des conneries plus ou moins bibliques. Allez savoir pourquoi. Alors, la Genèse, le récit des origines du monde de l'Ancien Testament, le raconte ainsi. Façonné par Dieu, à son image, Adam procède de sa complétude parfaite. Il est à la fois masculin et féminin, ce qui ne l'empêche pas de s'ennuyer dans le jardin d'Éden. Aussi, Dieu le plonge-t-il dans un profond sommeil et prélève-t-il une de ses côtes pour créer Ève, sa compagne, la femme. Un récit mythologique selon lequel, note Alexandra Choucroun, auteur de « Tous homo à la découverte du moi caché », édition L'Archipel, et là on la cite, « Chacun des deux êtres possède en lui les deux composantes masculin et féminin. Cet être originel, doté des deux sexes, est également évoqué par Platon. » Tiens, ben voilà, il est convoqué, le pauvre garçon. « Qui, dans le banquet, divise l'humanité en 3 catégories, le mâle, la femelle et l'androgyne. » Ce dernier étant joliment désigné, ça c'est toujours Choucroun qui parle, comme l'enfant de la lune. Alors, je vous épargne en fait le reste de l'article, parce que c'est un article assez, assez pédant en fait, mais c'est un article de commande en fait, on fait la promotion du dernier bouquin de Choucroun, pas, qui nous dit en gros qu'on est tous pédés, de façon innée. Alors, bon, allez, d'emblée de jeu, Argyle, toi, t'es né PD. Là, Madame Choucroune vient de faire une révélation qui me laisse assez abasourdi. J'avais pas encore décelé d'attirance homosexuelle, mais peut-être en creusant bien, finalement, c'est peut-être au fond de chacun d'entre nous. J'ai un peu l'impression qu'on retrouve, alors bon, elle, Madame Choucroune, je ne sais pas si elle est homosexuelle, en général c'est pas très bien accepté dans sa communauté, hein, même si Tel Aviv est quand même la capitale des gays, mais il y a toujours ce paradoxe chez les homosexuels, c'est d'un côté de dire nous sommes des gens normaux comme vous et moi, et d'un autre de revendiquer des droits spécifiques pour leur communauté, et de mettre, donc voilà, c'est des gens qui sont mal dans leur peau parce qu'ils savent au fond d'eux qu'ils sont anormaux et ils ont un besoin systématique de mettre diriger leur mode de vie sexuel anormal en quelque chose de normal. En fait, c'est une attaque permanente de la normalité. Donc, ils trouvent aussi évidemment certains groupes de pression, parmi certains lobbies, des gens qui vont accentuer en fait cette volonté d'aller chercher chez les gens normaux en fait de la normalité en gros, je sais pas si je m'exprime bien, mais il y a véritablement une volonté de souiller ce qui ne l'est pas encore, c'est-à-dire de dire que voilà, eux ils ont un comportement normal et presque limite toi t'es pas normal si t'as pas de pulsion homosexuelle, si t'as pas envie d'enculer ton voisin ou de te faire enculer par ton voisin, hein, c'est au choix je pense. C'est que d'un coup finalement t'étais peut-être pas si normal que ça, tu vois, si t'as pas véritablement envie de t'en prendre plein l'oignon, c'est que finalement c'est toi qui est pas normal. Je crois que l'objectif c'est ça, qu'on arrive à une inversion totale des valeurs, inversion totale des lois naturelles qui est voulue par ces gens-là. Il y a pas de théorie du genre, hein, comme dit Najat Vallaud-Belkacem. MacDav, t'en penses quoi, ça? Toi, t'es un PD, tu le savais pas, mais je te l'apprends, donc qu'est-ce que ça te fait? Bah écoute, moi, je te trouve un petit peu réductionniste, hein, parce que LGBTQI, c'est dépassé. Maintenant, on dit LGBTQQIAAPPK. Voilà, parce que faut pas oublier dans le genre, et les kinks, les polysexuels, les pansexuels, les alliés, c'est-à-dire les white knights, en fait, hein, les chevaliers blancs, les asexuels, les intersexués et les gens qui se questionnent. Les questionnements. Ouais, putain, Et surtout les jeunes de queer. C'est pour ça qu'maintenant il y a deux G et deux Q. Pour qu'on va faire des couleurs de triangles différentes quand on aura les manettes. Ça, c'est. Ça, c'est. Bah non, mais ça fera des jeux de couleurs, tu vois, pour les gamins. Mais là, c'est trapu. Du coup, tu vois, je te pose une question, et eh ben je découvre que je suis réactionnaire. Tu vois, j'essaye d'être progressiste, et eh ben non, tu vois, j'ai encore loupé un train. Il faut vraiment, Gandalf, que tu luttes contre tes préjugés. Tout ça, c'est vraiment, je pense que tu es enfermé dans la tradition, et il faut que tu t'ouvres au sens propre du terme, physique et intellectuel. Ouais, non, bon, physiquement, on verra, mais. Ouais, j'étais là, j'avais rajouté le QI, et puis voilà, tu vois, LGBTQI, je me disais, putain, t'as vu, là, je suis hype et tout, et puis non, c'est bon, je suis dans le cul. Frédéric, bon, toi, t'es une grosse fiotte, mais tu l'assumes? Qu'est-ce que ça te fait d'apprendre que t'es une grosse fiotte et que tu l'assumes? Ah, bah moi, je me tourne immédiatement vers un intellectuel français ou peut-être franco-suisse qui pourra certainement nous éclairer sur la question de l'homosexualité pour tous. C'est Alain Soral. Ah tiens, pourquoi? Alain Soral, éventuellement en collaboration avec Hector Obalk, peut-être, je sais pas, c'est un sujet sur lequel il a des choses à nous apprendre, je pense. Il a peut-être pas écrit son dernier livre, peut-être qu'il peut aller encore plus loin, donc voilà, moi je ne désespère pas, hein, peut-être qu'il va nous resservir une grosse dose de logos, voilà, on sait jamais. Sodomie et addiction, j'ai le titre du bouquin déjà. Ah, c'est pas mal, ouais. N'oublions pas Poupetto. Oui, Poupetto, oui. Ah oui, une grande expérience, hein, dans ce domaine. Hein. Il sait de quoi il parle, il n'y a pas de problème. Donc je pense qu'il faut lui demander son avis. Hein. Alors ça, c'est une excellente transition, chers amis, parce que nous arrivons à notre rubrique numéro 4, avant de faire une pause musicale, et c'est la rubrique Réconciliation Nationale. C'est une nouvelle rubrique. C'est parfait. c'est idéal. C'est une nouvelle rubrique. Et comment dire, elle est inspirée, cette rubrique. Et sans transition, je vous donne le nom, le titre. Valence, dans le 26. Un multirécidiviste tunisien voulait, je cite, aller à Nice égorger des Français et finir le travail. Excusez-moi, c'est pas drôle, mais j'en ris parce que voilà, voilà. Alors, je cite l'artisan en question. Je veux me battre aux côtés de Daesh et faire un massacre. Je veux aller à Nice et finir le travail. Je veux faire le djihad. Ses propos ont coûté 6 mois de prison ferme, donc c'est-à-dire qu'il les fera pas, et l'interdiction du territoire français, donc c'était un métèque, pendant 3 ans, imaginez 3 ans, imaginez 3 putains d'années, c'est même pas à vie, quoi, c'est vraiment 3 ans, à Fatih Akremi, jugé hier à Valence pour apologie de terrorisme devant le tribunal correctionnel. Des propos qu'il a tenus mardi aux urgences de l'hôpital de Valence, où il avait été conduit après avoir été débarqué d'un TGV dans lequel, complètement ivre, il importunait des passagers. Vous allez pouvoir revenir là-dessus, chers amis, et dire tout ce que vous en pensez, ne vous inquiétez pas. Seulement, voilà, ce ressortissant tunisien d'une cinquantaine d'années n'en était pas à ses premières menaces, encore moins à son premier rendez-vous avec les juges qui, à 25 reprises par le passé, l'ont sanctionné pour des faits de vol, de violence, d'agression sexuelle, de menace de mort. Ces déclarations aux urgences de l'hôpital de Valence faisaient en effet écho à d'autres propos tenus par lui le 19 juillet dernier, dans des circonstances glaçantes, puisque prononcés à Nice, 5 jours seulement après le terrible attentat de la promenade des Anglais. Il fut condamné par la justice des Alpes-Maritimes. Voilà. Alors, là, je vous laisse en roue libre. Argaël, tu vas réagir en premier. Encore une fois, on est presque à se demander si l'info est réelle. Voilà, on hallucine. C'est-à-dire qu'en France, en 2016, c'est cette ordure finie qui, à mon avis, mériterait au minimum le bagne à vie, voire la peine de mort pour l'ensemble de son œuvre. Il va être interdit pendant 3 ans de territoire qu'il ne quittera pas. Donc, en fait, il va rester ici. Il fera sûrement pas ses 6 mois fermes, ou s'il les fait, bon, de toute façon, je doute que la prison change son opinion du pays d'accueil. Je doute qu'il se déradicalise en prison. Donc, ce qui est certain aussi, c'est qu'il ne doit pas être tout seul à être aussi criminel, aussi délinquant, à penser autant de bien du peuple français, du peuple européen, des couffards, et qu'ils sont quand même relativement nombreux à partager son message de paix et d'amour vis-à-vis de nous. Donc il faut savoir que clairement, en France, il y a un paquet de types de son genre qui sont prêts à passer à l'acte, au sein de la petite délinquance, au sein de la des agressions sexuelles. Je suis persuadé, sans trop m'avancer, que systématiquement les victimes sont des Français souches. Je doute qu'ils s'en prennent à des membres de la communauté afro-maghrébine. Donc on est clairement en situation d'invasion, avec des types de plus en plus violents, de plus en plus haineux, qui ne demandent qu'à aller encore plus loin. Donc on s'achemine tranquillement, sans trop s'accélérer, mais vraiment on y va vers un massacre, un génocide du peuple français, qu'il soit par l'avortement, qu'il soit par l'immigration, qu'il soit aussi par la disparition des vieilles générations, et aussi par la disparition physique des Français, que une fois qu'ils seront suffisamment nombreux, qu'ils contrôleront totalement des zones où la police ne pourra plus rien faire, il y aura un massacre généralisé des Blancs, comme c'est le cas petit à petit. Donc voilà, je crois que cette personne a de l'avenir en France, malheureusement. Petit point, si je puis me permettre, de droit, mais en fait, Argyle, le génocide des Français, des Blancs, est déjà consommé, en fait, puisque l'inventeur du concept du génocide, qui était Raphaël Lemkin, disait à l'époque, par exemple, que l'italianisation, la germanisation, ou par exemple la magyarisation, donc pour la Hongrie, d'un territoire donné, tu vois, par exemple, il parlait de germanisation en ce qui concernait la Pologne, c'était le génocide, c'est-à-dire qu'à savoir que À partir du moment où tu as quelqu'un qui ou un groupe qui décide d'établir de poser sur un autre groupe des que ça soit une identité, donc une culture, une religion, une biologie, et d'empêcher ce groupe-là d'affirmer sa propre identité, d'avoir un avenir et compagnie, c'était un génocide, puisque in fine le génocide n'est pas uniquement le meurtre de masse de membres d'un groupe, mais tout un tas de politique qui mène à la disparition du dit groupe. Donc en fait, je dis ça parce qu'il y a pas longtemps, j'ai vu qu'il y avait un mec qui avait écrit un livre sur le futur génocide des Français. On va pas assister à un génocide des Français, puisque les gens dont tu parles sont déjà Français. On va assister à un génocide des Blancs, puisqu'effectivement, c'est notre race, notre ethnie qui nous définit, là. Oui, enfin, quand je dis Français, on s'entend. Bien sûr qu'on s'entend, mais c'est pour dire que le génocide est déjà consommé, en fait. C'est-à-dire que même s'il n'y avait pas de guerre, mais s'il n'y a pas de violence, imaginons que demain, on est 150 millions d'Asiatiques pacifiques qui débarquent en France, et qu'on nous dit, bon, ben maintenant, les mecs, bon, les gars, ils travaillent, ils sont sympas, ils font pas de chier, mais on va se métisser, bah, quelque part, c'est déjà un génocide, tu vois. Ah oui, je suis d'accord, mais là, je veux dire, on va avoir l'aspect violent et l'aspect véritablement d'afro-maghrébins qui vont de moins en moins gêner pour égorger du français, de plus en plus. De toute façon, il y a que les anciens qui ont vécu la guerre d'Algérie, c'est vers quoi on s'achemine. Il faut quand même connaître le degré de haine et de cruauté de ces gens-là. Plus ils auront l'occasion de l'appliquer, plus ce sera il y aura de risques à obéir à leurs pulsions haineuses, plus il y aura de massacres. Hein. On dit toujours, ouais, l'Algérie française, faut écouter les anciens de l'Algérie française, et ce qu'ils ont vécu au moment de l'abandon en 1962, c'est exactement vers quoi on s'achemine. C'est d'ailleurs des massacres de familles entières, avec le sexe coupé, les couilles dans la bouche, le viol d'enfants, le massacre d'enfants. Voilà, c'est ce genre de choses auxquelles il va falloir s'attendre dans les zones où les Français voudront rester, dans les zones occupées. Moi, je voudrais m'inscrire un peu en porte-à-faux hein, par rapport à tout ce que vous avez dit. Je pense que cette histoire, de toute façon, est montée en épingle par le lobby sioniste pour nuire à la réconciliation nationale sur laquelle je suis sûr que ce jeune homme travaillait d'arrache-pied. Quoi. Donc, n'écoutez pas les médias de masse, stop à la désinformation, voilà. Hein. Alors je précise, parce que tu parles de l'âge du protagoniste, où il a 52 ans. Et c'est un citoyen tunisien. Donc... Ouais, mais est-ce qu'il avait lu Comprendre l'Empire, hein ? Moi, j'aimerais le savoir. Je sais pas. D'accord. Non, parce que tu vois, voilà, c'est 52 ans, voilà, donc il veut égorger des Français à Nice, 5 jours après les attentats. Voilà, il vit au crochet de la société française avec vos impôts. Ceux qui nous écoutent, voilà, vous bossez tous les jours, vous payez des impôts. C'est magique, c'est superbe. Et 25 condamnations quand même, c'est-à-dire que. Voilà, aux États-Unis, dans certains endroits, il y a la règle des free strikes, tu vois, donc t'as 3 chances et après c'est perpétuité, etc. Bon, selon les États, tu peux avoir la peine de mort, etc. Mais 25 quand même, quoi, les gars. Hein. Je veux dire, on pourrait peut-être faire baisser un petit peu, on pourrait peut-être mettre. Ouais, attends, 25 et il prend 6 mois. Hein. Oui. C'est-à-dire, la dureté, je veux dire, la répression. La dureté de la justice française, c'est vraiment insoutenable, quoi. 25 condamnations. Parce qu'avec les petits blancs, je sais pas pourquoi, mais la justice a tout de suite plus d'autorité, quoi. Je sais pas pourquoi. Ah bah c'était quoi? C'était 10 ans là pour le buraliste du Tarn, je crois. Ah oui, ouais, 10 ans. Mais lui, attends, mais tu te rends pas compte, il a abattu un mec qui voulait cambrioler. Quel enculé, putain, j'en ai marre. Ouais. Enfin bon, c'est bon, il a pris 10 ans, il a compris. Là. Ça c'est bon. Alors du coup, lui, par contre, il menace d'attentat à Nice 5 jours après, 25 fois condamné. Bon bah là, il a eu 6 mois, il les fera pas. Je pense que là, il est averti, quoi. Tu vois. Bon. Enfin, une pause musicale et puis on se retrouve à suite pour le débat de fond hein, de la semaine et on va parler de Donald Trump et de Vladimir Poutine qui sont tous les deux, qu'ils le veuillent ou pas, pareil. Voilà, ils sont voués aux hégémonies et peut-être à plus d'ailleurs. On se retrouve après notre pause musicale. Suite, chers amis. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. parti pour la deuxième partie de notre émission Démocratie Participative, saison numéro 1, épisode numéro 26. Alors, je m'adresse à vous qui nous écoutez, chers auditeurs. Je sais que vous nous aimez, hein, vous nous aimez quand même, en règle générale. Bon, il y a quelques bougnoules qui nous écoutent, donc ils nous aiment pas. Mais sinon, les petits blancs qui nous écoutent, ils nous aiment bien. Alors, je vous donne une mission. Vous avez une task, une mission. C'est de faire découvrir notre émission à un de vos proches, à un ami Facebook, même, pourquoi pas, à un ami que vous connaissez, que vous soupçonnez peut-être d'avoir des petites idées, il traîne dans la tête, il sait pas, il hésite, voilà. Eh ben écoutez, faites-le écouter notre émission, c'est le meilleur moyen de l'amener à nos idées, hein, de l'amener aux seules idées qui tiennent la route, c'est-à-dire aux idées du réel, quoi. Alors faites écouter Démocratie Participative à un de vos amis cette semaine, faites-le, c'est votre mission de la semaine. Maintenant, on enchaîne, on va se focaliser sur un sujet c'est un sujet assez large, c'est un sujet qu'on retrouve dans toute la presse internationale, en fait, c'est la pression qui s'accroît sur Donald Trump, qui donc, je le rappelle, pour ceux qui auraient été sur Mars pendant 40 mois et qui reviennent de mission, a été élu président des États-Unis en novembre, qui va rentrer en fonction le 20 janvier normalement, ce qui met en furie évidemment le Parti démocrate, c'est-à-dire la gauche américaine et la gauche occidentale, mais tous ces messieurs, la grande finance, etc., ne s'y résolvent pas, et donc continuent leur mobilisation contre Donald Trump. Et alors, une des accusations principales qui est faite maintenant, au moment où on parle, c'est que Donald Trump aurait bénéficié de l'aide de la Russie, des services secrets de la Russie, de la Fédération de Russie, de Poutine, en fait, pour être élu. Alors là, je cite un article de 20 minutes, hein, qui est un des organes de propagande de la gauche néoconservatrice, hein, donc trotsko, immigrationniste, pro-Wall Street. Voici ce que nous disent ces messieurs. Pressé par les journalistes de la Maison-Blanche, Obama a indiqué qu'il voulait attendre la publication du rapport officiel donc sur les fameuses activités d'espionnage et de déstabilisation de la Russie avant de se faire plus précis. Mais il a promis d'envoyer un message clair à la Russie et il a confirmé qu'il avait mis en garde Vladimir Poutine lors d'un tête-à-tête en septembre en marge du G20 en Chine. Je lui ai dit, et là l'article cite le président américain, il faut que ça s'arrête. Où il y aura des conséquences. Selon Obama, il n'y a pas eu depuis de nouvelles cyberattaques majeures contre les institutions politiques américaines. Donc là, on est en phase, pour ceux qui nous écoutent, on est en phase d'hystérisation complète. On a pas plus tard qu'hier, vendredi 16 décembre, le président américain donc, qui accuse littéralement le chef d'État russe d'avoir fait élire Donald Trump et donc de faire Donald Trump un agent russe, littéralement. J'ai envie d'écouter Frédéric Delavier là-dessus. Non, dans les... Oui, attention, la différence est de taille, hein, s'il te plaît. Bon. Pourquoi t'es pas portugais, toi ? Ah non, c'est juste que moi, je me lave. Voilà, c'est tout. Mais bon, passons. Donc, pour répondre sur l'histoire des États-Unis, déjà, ce qui est intéressant de noter, c'est que les démocrates, pendant la campagne de Trump, avaient bien insisté sur le fait que, enfin, ils avaient poussé comme ça dans les questions, pendant les débats, à faire répondre Donald Trump sur est-ce qu'il allait accepter le résultat de l'élection, quelle que soit la conclusion, etc., etc. Et finalement, Donald Trump remporte l'élection. Et alors là, on voit la gauche américaine se transformer en résurrection de Joseph McCarthy, c'est-à-dire qui voit des Russes partout, qui auraient truqué les résultats, etc., etc., qui évidemment n'acceptent pas les résultats. Donc c'est assez cocasse venant de la gauche américaine qui a passé je ne sais pas combien d'années à dénoncer le McCarthyisme, etc. Enfin, c'est tout simplement ridicule. Et ensuite, tout simplement, il n'y a aucune preuve de tout ça, c'est-à-dire que les médias américains font tout un foin là-dessus, sans à aucun moment fournir aucune espèce de preuve, aucun élément concret qui permettrait de dire, de montrer qu'effectivement les Russes auraient piraté quoi que ce soit. La deuxième chose, c'est qu'il y a aussi, je ne sais pas si tu as noté, non, Julian Assange, qui est sorti de sa tanière, ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas entendu, il est passé dans une interview de Sean Hannity aux États-Unis, pour y tenait à dire qu'il n'y avait pas eu de leaks, donc il n'y avait pas d'informations qui avaient fuité de la part de Russian State Actors, c'est-à-dire d'acteurs de l'État russe. Donc il a tenu à porter comme ça un démenti. Et effectivement, il n'y a aucune preuve. C'est-à-dire c'est juste le bruit, le brouhaha généré par les médias américains qui prétendraient que voilà, les Russes sont piratés, etc., etc. Alors que quand on s'intéresse un petit peu à ce qui s'est passé pendant la campagne, tout laisse à penser qu'en fait, les fuites ont été internes au Parti démocrate. Notamment, il y a un des responsables du Parti démocrate qui a été littéralement assassiné au milieu de la campagne et qu'on avait soupçonné d'avoir laissé filtrer des informations. Alors assassiné dans des circonstances très troubles. D'ailleurs, je ne sais pas où en est l'enquête. En gros, le mec, un jour, il a pris 2 balles dans le dos en revenant chez lui. On lui avait laissé son argent. Enfin, pas de vol, rien du tout. Quoi. Il a juste été assassiné, ouais. Comme ça, tranquille. Et c'était un des responsables. Oui, excusez-moi, c'est les flics qui viennent me chercher. Hein, voilà. Dépêche-toi de terminer. En Hongrie. Oui. Et alors, la deuxième chose que je veux noter, c'est que il y a donc Weave, Andrew Hornheimer, hein, qui est un des pirates les plus connus aux États-Unis, qui est recherché activement par tous les services américains et qui est vraisemblablement planqué quelque part en Europe de l'Est, hein, pour éviter de finir en prison ou dans je ne sais quel Guantanamo. Hein. Pourquoi? Parce qu'il a critiqué qui, là? Tout simplement parce qu'il est méchant, il est de droite, pas le droit. Voilà. Hein. C'est ça. C'est comme ça. Et donc, lui, il appelle ouvertement, là, en ce moment, publiquement, à les Américains à s'armer, à faire des réserves, à donc des stocks d'eau, etc., de munitions. Pas à s'armer exactement. À faire des stocks de munitions. Voilà. Voilà, hein. Parce qu'ils sont tous déjà armés, en fait. Oui, c'est vrai. C'est une différence notable avec les pays d'Europe de l'Ouest. Et donc, il appelle à faire ça. Parce que d'après ses informations à lui, il est possible que l'oligarchie américaine, c'est-à-dire Soros et compagnie, enfin Soros n'est pas tout seul bien sûr, mais bon, c'est un des acteurs que tout le monde connaît. Wall Street, voilà, choisissent vraiment de ne pas accepter définitivement la victoire de Trump, de renverser la table. Ils sont en train de faire monter la sauce avec les accusations de piratage sur la Russie. Et de lier, en fait, en bloc, la victoire de Trump, de lancer, alors je ne sais quelle procédure, etc. Il y a une possibilité, alors légère, mais existante quand même, et qu'il ne faut pas négliger, de début de véritable guerre civile américaine dans les semaines à venir. Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas surréaliste. C'est-à-dire qu'on a quand même un président des États-Unis en fonction qui s'appelle Barack Obama, qui nous explique... les États-Unis ont été victimes d'un piratage, et c'est magnifique. Alors qu'il faut quand même revenir là-dessus, parce que en France, en fait, c'est très mal traité, très peu traité. On s'intéresse pas à ce qui se passe, mais en gros, on a le président des États-Unis qui dit voilà, on a été victime d'un piratage. Ah bon, on a été piraté. Ouais, parce que quand même, tout ce qui se passait dans le Parti démocrate, donc la primaire, etc., toute la triche a été révélée, ce qui est inacceptable, parce que c'est une interférence dans le processus politique. Et donc, c'est la manifestation que l'élection a été pro-Trump, qu'il y avait un État étranger, la Russie, qui a essayé de soutenir Trump, etc. Ce qui est quand même fabuleux, parce que, en gros, Obama... publiquement, c'est pas plus tard que hier, nous dit tranquillement donc que quand tu exposes la triche avérée de Clinton, t'es un enculé. Alors qu'en fait, objectivement, imaginons que ce soit vrai, imaginons ce qui est faux, mais imaginons que la Russie soit vraiment intervenue dans le processus et vraiment exposé la triche au sein du Parti démocrate. Ils ont pas nu aux États-Unis, ils ont au contraire rendu un service en ce qui concerne la transparence du processus politique. D'autant plus qu'il faut noter que les États-Unis passent leur temps à envoyer des observateurs, entre guillemets, des observateurs pour bien s'assurer de la légitimité, qu'il n'y a pas de triche dans des élections à l'étranger. Donc là, effectivement, quand on vient leur dire à eux, oui, alors là, il y a quand même quelque chose de bizarre qui s'est passé dans le Parti démocrate, là, oui, ils font caca et on ne sait pas trop ce qui se passe. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc en fait, si jamais la Russie est coupable de quelque chose, c'est d'avoir démontré, c'est d'avoir apporté au peuple américain des éléments importants pour, pour se faire une opinion sur le meilleur candidat et sur la base de ces éléments de voter en conséquence. Donc, je veux dire, on peut pas accuser quelqu'un d'avoir fait la lumière sur quelque chose, d'avoir apporté des éléments de vérité. Et on a des gens aujourd'hui, quelqu'un comme Obama, la CIA, etc., qui nous disent, en fait, la Russie et les Russes en général et Poutine sont des enculés parce qu'en fait, ils ont révélé qu'on était en train de cornaquer l'élection, on est en train de tout truquer, ce sont vraiment des pourris. Ils portent atteinte à notre démocratie. C'est fabuleux. Et ça se passe devant nous. Sauf qu'évidemment, et là, on en vient un peu à la partie technique, c'est qu'il est absolument impossible de démontrer que la Russie est coupable. C'est techniquement, c'est pratiquement impossible. Et surtout, en un laps de temps aussi court, c'est une fumisterie que de le dire. Et c'est là que j'en viens un petit peu à ce qui me turlupine, c'est-à-dire que pour qu'on ait que la CIA, la présidence, le FBI, en gros tout le gouvernement américain, pour ne pas parler du Parti démocrate, qui accuse Trump, même encore maintenant. On sent des gens qui veulent pas lâcher la partie comme ça, quoi. Comme tu dis, quoi, Andrew, il dit, il y a une possibilité pour qu'il force le jeu, mais il dit aussi, c'est très improbable. C'est-à-dire qu'il y a une petite chance, mais c'est quand même tous des péteux, ils vont pas aller aussi loin, mais c'est possible. Moi, ce que je vois, je pense que d'abord et avant tout, c'est un gros boulot de délégitimation de Donald Trump. C'est-à-dire qu'en fait, les types s'installent dans une politique de guérilla, de guerre de position. Et en fait, ils veulent faire en sorte que Donald Trump rentre dans la Maison-Blanche dans la position la plus faible possible. Et ils veulent pas aller au bout du truc en disant, voilà, c'est... parce que sinon, Obama aurait pas reconnu la victoire du mec, tu vois. Il aurait dit, non, il y a un problème et tout, machin. Donc en fait, c'est juste une façon d'affaiblir au maximum, dans leur opinion, la position de Trump en rentrant à la Maison-Blanche. En tout cas, c'est ce qu'ils se disent. Ils se disent, voilà, on peut l'affaiblir au maximum. Le problème, c'est que c'est un truc qui les dépasse, à mon sens, et qui sont en train de nourrir un phénomène d'opposition, notamment chez les minorités ethniques, dans certains États, la Californie, etc., qui peut vraiment aboutir à un très très très gros merdier d'ici quelques années. Là, on est en train de poser les bases, à mon avis, d'un très gros merdier aux États-Unis, et ça sera avec la bénédiction de l'ancien président, etc. C'est pour ça que ce fils de pute d'Obama, à mon avis, ce sale nègre, ne va pas lâcher l'affaire comme ça. Il sort, oui, de la Maison Blanche, mais on va le retrouver dans les années futures à balancer de l'essence sur l'incendie, quoi. J'en suis absolument persuadé. Quelqu'un veut-il réagir là-dessus, juste sur ce premier volet, oui, là de... Moi, je veux intervenir parce qu'il faut savoir que l'association des vétérans des officiers de l'intelligence, hein, donc la BIPS, Veteran Intelligence Professionals for Sanity, qui est, c'est uniquement composé d'anciens officiers du renseignement US, qui ne sont pas tous de la CIA, parce qu'il faut savoir quelque chose. Il y a une trentaine, officieusement, d'agences de renseignement américaines. C'est très complexe, quelque chose qui fait partie de l'état profond américain. Entre les agences de la CIA, les agences du Pentagone, plus les autres agences de renseignement intérieur, c'est très complexe, et ils peuvent parfois se tirer la bourre entre eux. Donc ce fameux VIPS, qui n'est pas composé uniquement de pro-Trump, car il faut savoir que les renseignements militaires sont généralement très pro-Trump, c'est ce qui explique, par exemple, que Donald Trump ait choisi le général Flynn, qui est un démocrate, et qui a rejoint, en étant le chef de la DIA, c'est-à-dire l'équivalent de la DRM en France, les renseignements militaires américains, qui est très pro-Trump, et cette agence, donc cette agence de vétérans, a confirmé qu'il ne s'agissait pas de hacking, mais de leaking, c'est-à-dire de fuites intérieures de renseignements qui ont été divulguées à différentes agences de renseignement. Ce sont des agences qui ont été mises en ligne, ce sont renseignements qui ont fuité de l'intérieur, et ce ne sont pas des pro-Trumpistes qui le disent. Il faut le savoir. D'accord. Alors, comment dire, juste ouais. Une remarque concernant le culot d'Obama et de tous ceux là qui ont ouvert cette polémique sur le soutien des Russes. Quand on a pu voir comment s'est passée la campagne présidentielle américaine où Trump, ça pouvait pas être plus truqué. J'imagine si ça avait été fait à la loyale dans les règles, combien la victoire de Trump aurait été encore plus importante, puisque on a pu voir le rouleau compresseur marxiste, comment, totalement partisan de la presse américaine, de la presse internationale. Ils ont tout fait pour empêcher ça. Et là, ils se permettent de dire que le simple fait que les Russes aient, le simple fait que les Russes aient, aient, comment, aient dénoncé, comme le disait Gandalf, les malversations au cours de cette élection, aient fait pencher la balance en faveur de Trump. Enfin, c'est assez impressionnant. Mais je crois que c'est les derniers soubresauts. Comme le disait, je sais plus si c'était Fred ou Gandalf, juste avant de partir, Obama, voilà, il veut laisser la situation la plus pourrie possible à Trump, espérant en fait que de l'impliquer avec les Russes dans je ne sais quel complot hacking secret il a pu y avoir pendant la campagne. Moi, je crois pas du tout. Enfin, j'imagine, je ne connais pas le peuple américain. En tout cas, il a bien voté, c'est déjà ça. Je suis pas du tout certain que les derniers soubresauts de haine d'Obama ou des anti-Trump vont empêcher Trump d'arriver en grand vainqueur, d'être investi en grand vainqueur et de pouvoir, à mon avis, il a tout intérêt à appliquer très rapidement des mesures symboliques de véritables changements. Et je pense pas que ces dernières petites saloperies dégris puissent changer quoi que ce soit, et je crois qu'ils en sont conscients. C'est pour ça qu'ils essayent certains trucs, mais le côté anti-russe, je crois que ça ne prend plus aux États-Unis, ça ne prend plus en Europe. Ils vont avoir beaucoup de mal à endiguer le phénomène Trump, en particulier si celui-ci tient ses promesses. Alors, il y a un truc intéressant là-dessus, c'est que d'abord, tout le monde est en train de dire la Russie s'ingère dans les affaires américaines, personne n'explique que le Golfe a financé complètement Clinton. C'est-à-dire que Hillary Clinton a touché du pognon de l'Arabie Saoudite, des dizaines de millions de dollars, c'est prouvé, etc. Il y a des documents, c'est avéré, elle a même dû l'admettre, c'est-à-dire qu'elle a touché du pognon des gens qui arment l'État islamique, Al-Qaïda, etc. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite, le Qatar et compagnie, ce sont des gens qui arment le djihadisme international, ce sont ces organisations qui ont financé la campagne d'Hillary Clinton. Elle a été obligée de l'admettre, donc il y a une ingérence directe dans la campagne américaine, là tout va bien. Par contre, sur la base de rien du tout, de rumeurs, etc., on accuse Vladimir Poutine d'avoir trafiqué on ne sait quoi, etc. Ils sont incapables de nous montrer la moindre preuve, même après les faits. Parce qu'on est après l'élection, on n'est pas avant l'élection, on est après l'élection, ils n'ont rien, c'est des rumeurs, ils essayent de pourrir l'ambiance, juste pour faire chier Trump, et ça c'est vraiment une manifestation. C'est-à-dire que... Alors regarde les armes de destruction massive de Saddam Hussein, c'est pareil. Voilà, mais bien sûr, mais c'est-à-dire que d'un côté, t'as une saloperie qui est financée depuis Mathusalem par, un État terroriste comme l'État d'Arabie Saoudite, il n'y a pas une ligne. De l'autre côté, t'as la Russie, il n'y a pas d'éléments, et voilà, Trump est un salaud, et c'est acté. Ça, c'est la presse française, c'est la presse américaine, il y a un rouleau compresseur qui se met en place, et c'est ça qui est terrifiant. Enfin, cela dit, pour modérer un peu le propos, bon, il faut quand même dire que Trump vient de nommer comme, alors c'est pour ça, ça joue là-dessus aussi, il vient de nommer comme secrétaire d'État un certain Rex Tillerson, qui est le patron de ExxonMobil, et qui a des connexions depuis assez longtemps, enfin c'est le chef d'un groupe, j'imagine pétrolier, ExxonMobil, hein, qui a des connexions à la Russie, et qui a été, comment dire, dont... dont Poutine s'est félicité de la nomination, quoi. Donc ça joue en fait là-dessus en même temps, que voilà, il n'y a pas de preuve de piratage, il n'y a pas de preuve de sabotage concret, etc. On ne peut rien mettre sur la table. Mais il est évident que Trump montre quand même une volonté de rapprochement avec la Russie, avec Poutine, etc. Donc c'est pas totalement dénué de. Enfin, on peut quand même faire croire qu'il se passe quelque chose entre Trump et la Russie. Ça, c'est pas un problème. Alors là, il se passe un truc effectivement, c'est-à-dire qu'en fait, là, parce qu'il faudrait parler de la diplomatie française. On aura probablement l'occasion un de ces quatre d'en parler. Mais la diplomatie américaine, on fait comme on veut, c'est une diplomatie de très haut niveau, en fait. Parce qu'on, ce qu'on a vu en Syrie, etc., en fait, c'est les derniers feux d'une diplomatie qui ne croit même plus en ce qu'elle fait. C'est-à-dire, c'était un containment de la Russie, qui était essentiellement alimenté par des gens qui avaient commencé sous l'administration Reagan, en réalité. Peu importe qu'ils soient de ce qu'on appelait néoconservateurs, mais qui étaient des gens en fait très transcourants, des éléments internationaux, n'est-ce pas, qui ne se reconnaissent pas spécialement dans une patrie, et qui, finalement, ont servi sous toutes les administrations, dans une logique très anti-russe. Et en fait, Donald Trump, c'est un vrai virage géopolitique parce qu'en fait, lui détermine, et d'ailleurs, c'est les premiers signaux qu'il a envoyés par des tweets, ça fait marrer d'ailleurs, contre la Chine. Et là, moi, je me reconnais totalement dans là-dedans, et là, c'est là que je me dis que Trump est un grand président. C'est-à-dire qu'avant même qu'il soit dans le bureau ovale, je sais que c'est un grand président. Parce qu'il a compris qu'effectivement, l'ennemi numéro un, c'est la Chine. Pour les États-Unis, quoi. D'un point de vue objectif américain, le principal adversaire, c'est la Chine. Et que la Russie, bon, elle a sa politique, etc., mais ne peut pas être comparée d'aucune façon à la Chine. Enfin, si une présidence américaine déclare que la Russie, avec le PIB qu'elle a, est la puissance principalement ennemie des États-Unis, avec sa démographie, avec sa position, etc., dire que la Russie est l'ennemi principal, c'est aberrant d'un point de vue stratégique américain. Non, il suffit de regarder une carte, il suffit de regarder la dynamique économique pour voir que le seul ennemi que les États-Unis ont, et même que le monde occidental a, c'est la Chine. C'est évident, c'est évident. Et donc, ces histoires de guerre froide qui étaient cultivées par des neuneux, en fait, probablement d'ailleurs, des gens qui avaient des postes dans des espèces de groupes de réflexion à la con, qui devaient nourrir leur retraite là-dessus, etc., en train d'alimenter cette haine de la Russie, étaient simplement dépassés. Et Trump, il a attaqué bien en tête la Chine, et il a envoyé un message extrêmement favorable à la Russie. Mais extrêmement favorable. Et c'est pas juste des messages. Et comme tu l'as dit, il a nommé chef de sa diplomatie future un mec qui est considéré comme un des intimes de Vladimir Poutine. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent comprennent ce que ça veut dire. C'est-à-dire que le chef de un des boss d'Exxon est considéré comme étant un ami de Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine connaît beaucoup de gens, il a beaucoup de relations, mais ce type-là est considéré comme un ami personnel de Vladimir Poutine. Depuis très longtemps, depuis de très nombreuses années. C'est un peu et comme si Depardieu était nommé ministre des Affaires étrangères pour voilà, en France. Voilà, et quand Trump fait ça, ça veut dire, ok les gars, maintenant, les États-Unis et la Russie, on est alliés. Et soudainement, on voit, et c'est ce qu'on a dit dans la première partie de cette deuxième partie, une flambée de russophobie généralisée avec Obama qui nous sort des trucs délirants, des complots, etc. Évidemment, c'est-à-dire que Trump est en train de faire un truc dont moi je rêve personnellement, c'est-à-dire c'est l'alliance de l'hémisphère nord blanche contre tous les autres. C'est-à-dire que c'est l'alliance boréenne, pour pas plagier Jean-Marie Le Pen, tu vois. C'est ce que Trump est en train d'essayer de faire. Ce que je trouve mais pertinent à tous les niveaux, quoi. Et là, on a ces enculés, et je vais pas donner de nom ou d'appartenance, qui essayent de tout saboter en disant non, l'ennemi numéro un, c'est la Russie, quoi. Alors, je sais pas où ça va aller. J'en ai aucune idée. Mais ça va plutôt dans la bonne direction, quoi. Quelqu'un veut-il réagir là-dessus sur cette nomination, sur ce nouvel élan de la diplomatie américaine? Parce qu'en France, et notamment sur Alep, là, je ne sais pas si vous avez noté, quoi, mais la diplomatie, c'est pitoyable. La diplomatie française, ils sont anti-Assad, anti-russe comme jamais. C'est-à-dire qu'eux, ils ont... J'ai l'impression que c'est des gens qui... C'est-à-dire que ouais. la France, elle a parié sur l'Afrique. Hein. Voilà, donc bon... J'ai pas trop suivi les actualités dernièrement, mais je regarde un petit peu le fil Facebook des gens quand j'ai le temps. Et ce qui me fait rire, c'est que t'as tous ces gens de gauche là qui sont en train de cracher sur le staff de Trump, en fait, en disant « Oui, regardez, c'est Wall Street au pouvoir, c'est la fin des haricots pour les pauvres, les classes moyennes et compagnie. » Et ce qui me fait marrer, moi, c'est que ces gens-là ne comprennent pas que Wall Street au pouvoir, c'est ça depuis 40 ans, quoi, tu vois. Et que les gens qui ont déclenché les guerres en Libye, en Syrie et ailleurs, c'est Wall Street, c'est la finance internationale, c'est certaines obédiences maçonniques et compagnie, quoi. Et c'est toujours intéressant de voir l'aveuglement des foules, en fait, par rapport à ça, quoi. C'est-à-dire qu'on a, effectivement, il y a des gens qui ont réussi. Alors, c'est vrai qu'en France, il y a la haine des gens qui ont réussi, il y a la haine du self-made man, quoi. Le mec qui s'est élevé à la force du poignet, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui est très prégnant en France. T'as le droit d'être un raté en France, mais t'as pas le droit de réussir. Ouais, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que tu peux réussir, tu vois, genre à la tapis, mais si t'es un pourri, quoi, tu vois. Et en fait, moi, ça me fait rigoler parce que il y a le président de machin et de machin, machin. Oui, peut-être que les mecs, ils sont pas clean. Exxon, oui, des marées noires, machin. Oui, d'accord, c'est pas bien les marées noires, on est d'accord. Ok, maintenant, effectivement, il faut voir plus loin. C'est-à-dire qu'on a quand même, comme tu disais, hein, Gandalf, c'est que l'alliance entre les USA, qui est un pays multiculturel blanc, hein, parce que je le rappelle, les USA ne sont pas foncièrement nos ennemis, c'est-à-dire le peuple américain, les blancs américains, c'est un assemblage d'Européens, je le répète bien, d'accord, parce que ici... L'anti-américanisme primaire, ça commence à gonfler en France. Donc, si vous m'écoutez, vous êtes anti-américanisme, excusez-moi, les gars, va falloir changer un petit peu de logiciel, quoi. Effectivement, hein, l'alliance entre l'Amérique et puis une Amérique qui regarde vers l'Europe en disant, écoutez, les mecs, va falloir vous réveiller, et puis une main tendue vers la Russie. Je veux dire, mais qu'est-ce qu'on peut demander de mieux, quoi? Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Parce qu'en face de nous, on a une horde de nègres qui se reproduisent comme c'est pas permis. Hein, 450 millions de nègres, rien qu'au Nigeria en 2050, c'est presque plus que les Européens. Et on a les Chinois, les Indiens et compagnie qui sont aux aguets et qui vont essayer de nous bouffer. Donc moi, ouais, je dis oui. Bah exactement, voilà, c'est ça, exactement. C'est effectivement, c'est la grande alliance de l'hémisphère nord contre le reste des bambous, là. Enfin, ça, je résume très simplement, mais je trouve que ça me paraît assez pertinent. On a quand même le sentiment, c'est mon impression, c'est que le système occidental démocratique, entre guillemets démocratique, droit de l'homiste, enfin bref, toute la pourriture financière, fait face en fait à son effondrement et commence à développer une espèce de résistance. C'est-à-dire qu'en fait, les peuples européens, le peuple américain, et ailleurs aussi... commencent à prendre conscience en fait qu'ils sont en train de se faire littéralement dévorer par une élite corrompue qui n'a que de but à court terme et qui ne voit pas le bien commun. Et donc il y a une révolte et cette révolte ils essayent de la contenir. Et c'est un petit peu pourquoi j'ai voulu aussi parler de Trump et de Poutine, parce que c'est la manifestation de ça. C'est-à-dire que Trump a gagné l'élection, fair play. On voit, on en a parlé, les artifices qu'ils déploient pour essayer de le contenir. Et on pourrait se dire, moi, mais bon, ça, oula, c'est des affaires américaines, on s'en fout. Chez nous, ça se passe différemment, on a d'autres règles. Et c'est là que je veux faire comprendre à ceux qui nous écoutent qu'en fait, pas du tout. C'est qu'en fait, ce système est parfaitement cohérent, que les frontières apparentes de langue ou géographique, certes, nous, les gens du petit peuple nous retiennent, mais en ce qui concerne ceux qui dirigent, certainement pas. Et on a, à ce titre, l'Allemagne, qui est d'ailleurs désignée même par Obama comme étant le cœur de la résistance, Dixit, à la victoire du populisme, hein, de Donald Trump. Maintenant, Merkel s'est vue conférer la tâche de s'opposer à la vague populiste pour faire triompher en fait l'agenda globaliste. Alors maintenant, les Allemands ont décrété avec l'Union Européenne que les Russes étaient derrière toutes les campagnes de désinformation. Alors, je vais vous citer un truc, là. Vite fait, une synthèse, là, je vais pas y passer 1000 ans. Mais c'est cité dans la presse anglophone. C'est que, d'après l'Union européenne, la Russie fomenterait avec les services secrets syriens des campagnes d'agression sexuelle massive pour les fêtes du Nouvel An en Allemagne, afin de ne pas faire élire Merkel en 2017. Là, je veux des réactions de nos participants. Bah là, c'est véritablement, comment dire, c'est se foutre ouvertement de la gueule du monde, quoi. Je veux dire, faut vraiment être un neuneu patenté, quoi, pour pas voir que les mêmes qui ont laissé venir cette horde de violeurs et de prétendus docteurs en physique nucléaire qui ne sont en fait que des illettrés, hein, vont maintenant essayer de manipuler les foules pour essayer de penser le contraire. Je veux dire, le mec qui pense ça, enfin vraiment, je veux dire, si vous avez des amis, hein, qui vous racontent ça et qui vous disent ça, et qui y croient, il y a un moment, il faut leur dire, bon écoute, ferme ta gueule, arrête d'être con, je t'aime bien, mais arrête d'être con 2 minutes, quoi, ok? Parce que là, c'est vraiment prendre les gens pour des cons. Le pire, c'est que si ça marche, c'est que les gens sont vraiment cons, quoi. Alors, les gens sont vraiment cons, ça, je tiens à te rassurer. Mais c'est assez énorme. Les mecs ne savent plus comment faire. C'est-à-dire qu'ils savent plus comment faire. C'est-à-dire qu'en fait, ils font venir des millions de bamboulas, de soudanais, de pakistanais, etc. La grosse Merkel et sa face dégueulasse de harangue à moitié défraîchie au soleil nous expliquent que voilà, il faut avaler du bamboula matin, midi et soir. Et puis en fait, le lendemain, tu vois, s'il y a des viols, bah, c'est la faute de la Russie. Ce qui est hallucinant, mais elle explique ça, quoi. Donc si je comprends bien, en fait, les migrants seraient des agents du KGB. C'est bien ça. Voilà. Et de la Syrie. Enfin, de Bachar al-Assad. Et des agents des services secrets syriens. Voilà. Ça tombe bien. Déstabiliser le pouvoir en place. Ouais, c'est bien foutu, hein. Ouais, c'est aussi crédible que les théories sur les agents sionistes et les faux drapeaux, quoi. C'est à peu près du même tonneau. Bah, c'est les mêmes gens, tu vois, qui vont t'expliquer qu'il faut combattre les fausses nouvelles, tu vois. Mais on va y venir. Alors, simplement, parce qu'on pourrait se dire, c'est de la chiasse, ça vient d'Outre-Rhin, et on en a rien à foutre. Alors là, excusez-moi, je cite Atlantico, journal, enfin, publication sur Internet proche de l'UMP, François Fillon, hein, grand pro-russe devant l'éternel, qui récemment, d'ailleurs, a commencé à changer sur beaucoup de sujets d'ailleurs, c'est étonnant. Voici ce que publie Atlantico. Après les États-Unis, l'Allemagne redoute une ingérence des Russes dans ses élections à venir. Quid de la France? J'adore la question. Je cite toujours Atlantico. En septembre 2017, l'Allemagne entrera en période électorale. La chancelière a d'ores et déjà fait savoir ses inquiétudes quant à une potentielle tentative de déstabilisation russe, démentie par le Kremlin. Il n'empêche, la question a le mérite de se poser, et si l'Allemagne s'inquiète, la France devrait peut-être en faire autant. Donc, publication de l'UMP, Atlantico étant une espèce de caisse de résonance de la clique post-sarkozyste néo-fioniste, qui nous explique en fait que, le Kremlin est déjà en train peut-être de manipuler les élections françaises, avec en ligne de mire le Front National. Alors là, j'ai envie d'avoir Raguel là-dessus. Là. Bah, une manipulation, oui. De toute façon, ils vont tout essayer. Ils vont tout essayer en expliquant que voilà, il peut y avoir des manipulations extérieures. Je crois que déjà d'une part, je crois que les Russes n'ont pas grand-chose à secouer de ce qui se passe en France. C'est certain que pour eux, un président, un gouvernement pro-russe serait toujours. C'est ça aussi qu'il faut bien prendre en compte, c'est que les gouvernements étrangers, les seules choses qui les intéressent, c'est d'avoir un gouvernement en face d'eux qui soit plutôt bienveillant à leur égard. C'est tout. Le reste, la problématique qui est en France, ça intéresse peu les autres. C'est comme bon, beaucoup de nationalistes s'enthousiasment pour Donald Trump. Je crois que la seule chose qu'il faut voir, nous, en tant qu'Européens, en tant que Français, c'est sa politique internationale qui est particulièrement intéressante puisqu'elle irait carrément à l'inverse de ce qui a été pratiqué par les États-Unis depuis plusieurs décennies. Donc je crois que les Russes voient la même chose. L'implication dans les élections françaises, en gros, va peut-être consister en ce que Poutine dise qu'il souhaite, pourquoi pas, la victoire de Marine Le Pen. Ce serait pas spécialement scandaleux quand on a vu l'ensemble des France, enfin des leaders français des partis politiques du système qui ont souhaité la victoire d'Hillary Clinton, et même le président de la République est complètement sorti de son rôle en faisant campagne pour Hillary Clinton. Donc ce que les Russes pourraient faire de manière, on va dire, feutrée, de manière quand même assez nuancée, les gens qui se sont complètement ingérés, qui n'hésitent pas à s'ingérer dans n'importe quelle élection, quelle qu'elle soit, à partir du moment où il y a un candidat qui ne leur plaît pas, qui paraît de droite nationale ou patriote, eux vont se permettre de dire « Attention, les Russes, n'allez pas vous ingérer dans les élections en France, dans les élections en Allemagne. Nous, on peut le faire. Nous, on peut traiter d'enculés, de pires, des salopards, les candidats qui ne nous plaisent pas dans telle ou telle élection étrangère. Mais vous, vous n'avez absolument pas le droit de vous ingérer dans nos élections. Donc, il faut arrêter un peu les conneries. Et je ne sais pas ce que Poutine fera. Mais à mon avis, il aura une position assez nuancée. Parce que ce qu'il voudra faire, Poutine, je pense, c'est travailler en bonne entente avec le prochain président de la République française. À mon avis, il n'y aura pas d'ingérence plus que ça, surtout que la France a perdu aussi de sa stature sur le plan international. Donc pour les Russes, ce ne sera pas une élection majeure sur la scène politique internationale. En effet, ça sera difficile pour la France de récupérer, parce qu'après avoir sucé tellement la bite des Bédouins, des Métèques, etc., d'Arabie Saoudite, du Qatar, etc., ça va être compliqué quand même d'avoir effectivement... La France passe pour une prostituée, hein, mais franchement, hein, c'est ce qui se passe. Hein. Bref, alors... Toujours dans cet effort, on va dire, général, de contenir cette montée en puissance de la contestation, l'idée qui a été répandue depuis un certain nombre de semaines maintenant par les grandes entreprises du net, hein, c'est Google, c'est Facebook, c'est Twitter, c'est Microsoft, et bien d'autres, sur d'ailleurs des oukases posées par la Maison Blanche, c'est de contenir les fausses nouvelles. Les fausses nouvelles, hein. Je cite, hein, c'est les fake news. Donc en fait, maintenant, tout ce qui se passe sur Facebook qui n'est pas dans le sens du système, c'est du flan, c'est de la merde. Si vous n'êtes pas dans le système, si vous n'êtes pas d'accord avec le système, vous êtes un bonimenteur, vous êtes un truqueur. Et ça doit être éliminé. Alors là, je cite Next Impact, ce qui est une publication sur Internet, relative aux nouvelles technologies. Facebook répond aux critiques de médias sur la diffusion d'articles bidons en leur proposant de les vérifier au quotidien. Le réseau social propose d'afficher des avertissements sur ces contenus, en plus de supprimer la publicité qu'il leur offre habituellement. La société teste des moyens de traiter ces fake news, donc ces fausses nouvelles, d'abord en signalant les publications du flux d'actualité, avec une option située juste sous le spam. Elle a aussi noté, elle a aussi noué un partenariat avec c'est un truc en anglais, on va dire le IFCN, excusez-moi. Je vous épargne le nom en anglais parce que c'est sans intérêt. Mise en place l'an dernier, composé de médias proposant de la vérification des faits. Ils bénéficieront d'outils dédiés pour le traitement de ces actualités qu'ils sont en charge de trier. Alors en fait, quand tu creuses dans ce charabia, tu apprends en fait que des journalistes professionnels en place vont trier les informations qui vont être diffusées sur Facebook. Donc ce sont les mêmes journalistes qui ont été rejetés massivement par la population qui vont décider de ce qui est vrai et de ce qui est faux sur Facebook et qui vont essayer de te le flaguer et de te le foutre aux chiottes, quoi. C'est ça qui est en train de se passer, quoi. Et ça, et Cabal va avoir du temps libre, ils vont peut-être l'embaucher. Ouais, mais il est tellement con et tellement vieux que, voilà, il peut aller se faire, entuber. Mais c'est un truc... Il ne doit même pas savoir ce qu'est Facebook. Hein. Non, mais c'est pas faux, ça. Et pourquoi je prends du temps là-dessus, c'est parce que nos auditeurs peuvent se poser la question. C'est qu'en fait, quand on attaque Poutine sur les élections, ouais, Poutine, les élections, etc., il truque les élections américaines. Genre la Russie, dont d'ailleurs Barack Obama nous a expliqué que c'était un pays extrêmement faible, qu'il y a le PIB du Pakistan pratiquement, etc., ça vaut rien. Il a une puissance suffisante pour déstabiliser le processus électoral américain. Je sais pas si vous imaginez, quoi. Ensuite, il nous dit, comment dire, les fausses nouvelles sont propulsées par la Russie. Ils nous désinforment, ils nous mentent, ils sont en train de manipuler les masses, c'est ça, comme si la France, comme si les États-Unis, comme si le monde occidental en général n'avait pas des élites qui déstabilisaient, qui mentaient à leur propre population pour atteindre certains objectifs. C'est hallucinant ce qui est en train de se passer. Et maintenant, c'est, voilà, on nous dit en gros, écoutez les gars, la censure est légitime maintenant parce que vous êtes l'objet d'une déstabilisation extérieure. C'est hallucinant, incroyable, ça se passe devant nous, en temps réel. Bah, en quelqu'un, fait... quelqu'un, j'ai envie de poser la question à qui veut, et Hopman, tu auras la parole en premier, sur ce truc de fausses nouvelles, de flagging, etc., pour faire tomber les réseaux sociaux et tous ceux qui s'expriment dessus. Alors, en fait, c'est pas quelque chose de très récent dans le fond. Bon, je pense que les gens qui nous écoutent sont maintenant au courant, parce qu'on en a déjà parlé, que par exemple, Facebook et plein de sites sont modérés dans des pays étrangers, notamment le Maghreb. Ce qui fait que les gens, ces modérateurs, sont bien sûr souvent partisans. Donc, ça, c'était le début. Après, il y a eu toute la bataille juridique, notamment en Allemagne, pour faire en sorte que Facebook censure. Mais là, en fait, ce qu'on voit, c'est que, comme tu disais, les gens qui sont adoubés par le système, c'est-à-dire qui ont, pour le dire clairement, qui sont gagnants dans la situation actuelle, c'est-à-dire que eux sont rémunérés à faire en sorte que l'Europe soit envahie de nègres et d'arabes. Et je ne dis pas nègres et arabes avec une haine quelconque, hein. Je veux dire, si demain on était envahi par les Japs ou les Shintoks, ça serait pareil. Donc ces mecs-là, il faut bien comprendre qu'ils sont payés pour ça. D'accord ? Ce sont des prostituées, ce sont des catins. En fait, ils utilisent une technique qu'on appelle en langage politique, en fait, en sciences politiques, machin, le branding. Le branding, en fait, c'est-à-dire désigner l'ennemi avec des termes qui nous sont propres, comme les méchants. C'est ce qu'ils font avec la Russie, et c'est ce qu'ils font avec les réseaux sociaux et les médias alternatifs. En fait, ils nous désignent comme des conspirationnistes, comme des affabulateurs. On peut par exemple penser à tous ces sites tenus par des extrêmes abrutis gauchistes, genre Hoax Debunking et compagnie, quoi. En fait, c'est juste la prolongation, hein, de ce qui se passe actuellement, quoi. C'est voilà. C'est une prolongation, il faut s'y faire, et à nous, en fait, de contrer ça en étant actif. Alors je sais, c'est chiant, mais il faut être actif sur les réseaux sociaux, il faut partager les articles, il faut répondre aux commentaires, il faut démonter leurs arguments. C'est casse-couille, mais c'est une des façons qu'on a de lutter contre ça. Oui, et puis surtout par rapport à ce que tu disais sur les prostituées, etc., moi j'aimerais dire c'est surtout des fonctionnaires, quoi. C'est-à-dire que tous ces gens qui censurent, en fait, c'est une extension de l'État et de l'argent public, hein, puisque en réalité, les plus grandes publications, notamment en France, mais là, je viens de voir que le chiffre d'affaires du New York Times, ils ont été obligés de fermer je ne sais pas combien de bureaux au New York Times, parce que le chiffre d'affaires est en train de s'écrouler. Donc déjà, en France, on sait que les publications mainstream survivent à coup de perfusion d'argent public régulièrement. Aux États-Unis, je ne sais pas exactement, je ne pourrais pas dire précisément où on en est, mais en tout cas, la tendance est la même, c'est-à-dire que les médias mainstream, l'audience est en train de s'écrouler, la presse, c'est la même chose. Et en fait, tout ce qui est en train de se passer, c'est que les pays d'Europe de l'Ouest, les États-Unis, etc., enfin le système gauchiasse, va devoir faire exploser, si c'était encore possible, le nombre de fonctionnaires pour contrôler l'information. Parce qu'en fait, ces gens-là sont juste des fonctionnaires, quoi. C'est payé avec l'argent de l'État, que ce soit plus ou moins direct, c'est la même merde. Et il faut bien comprendre que ben, ça, tout ça, ça a un coût, évidemment. Et en fait, il ne faut pas trop être pessimiste, parce que en réalité, plus le système dépense d'énergie et dépense d'argent pour se maintenir, pour continuer à censurer, etc., etc., bah plus il est faible, tout simplement. C'est-à-dire que quand tu n'as pas besoin de dépenser de l'énergie pour maintenir tes idées au pouvoir, bah là, c'est tranquille, tu te la coules douce, tu fais ce que tu veux, etc. Mais plus ça devient cher, plus ça devient compliqué, plus ça demande d'infrastructures, etc., plus le système est concrètement affaibli, quoi. Plus il a besoin de... Il saigne, c'est-à-dire il saigne du pognon. Et je pense pas qu'il faille voir ça de façon pessimiste. Et je pense que, en fait, l'extension constante comme ça de la censure, non seulement ça radicalise les gens qui se rendent de plus en plus compte que, bah, tout simplement, c'est le goulag, quoi. Ils n'ont pas le droit de parler, voilà, d'émettre une opinion contradictoire, sinon c'est la porte. Et effectivement, le système est en train de saigner du pognon par tous les orifices pour essayer de contenir ce qui est en train de se passer au niveau des masses. Donc moi, je ne me fais pas trop de soucis là-dessus. Je pense que à terme, tout ça aura des résultats plutôt positifs. Ouais, je suis d'accord avec ça. Ouais. Ouais, je pense aussi. Parce qu'en France, on a un putain de système aussi de financement direct de la presse hallucinant, je veux dire. Je crois qu'on est... les aides directes... Parce que tout le monde se focalise sur les aides directes à la presse. C'est quelque chose... Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il faut attirer l'attention sur le fait que... Comment dire, ça leur demande énormément d'énergie, de plus en plus, de se maintenir. C'est-à-dire que ce qu'on prend pour un... Ce qu'on interprète souvent, ce que les gens interprètent comme une défaite, comme une avancée de la censure, etc., etc., en fait, c'est un déploiement de plus en plus conséquent. C'est comme si tu avais une armée qui devait déployer de plus en plus d'hommes, hein, qui devait s'éparpiller de plus en plus partout pour arriver à contenir, en fait, à défendre ses frontières, et qui petit à petit, enfin, c'est comme quand tu essayes de répandre du beurre sur une tartine. Au bout d'un moment, le beurre, il n'y en a plus, tu vois. Et effectivement, tout ça n'est pas une raison de paniquer. Hein. Je suis totalement d'accord avec ce que dit Frédéric dans l'évier. Effectivement, plus une armée a besoin de se déployer de moyens pour contrôler l'espace, plus c'est un signe de faiblesse. Ça, je suis absolument d'accord, et c'est un signe qui ne doit pas nous échapper. C'est-à-dire qu'effectivement, les branleurs sous pseudo sont les plus efficaces, parce que ce sont les partisans de l'époque moderne de la guerre de l'information, en fait. Ce sont des types que personne ne connaît. C'est les mecs de jeux vidéo 18-25, voilà, qui balancent des messages, etc., qui disent ce qu'ils pensent, voilà, à tort, à raison, on s'en fout. Et pareil sur tous les forums, les blogs, les machins, etc., les comptes Facebook qui créent des pages, machins et tout, les trolls sur Twitter. Et c'est ce qui harcèle, en fait, la narration officielle imposée, qui était imposée jusqu'à présent, par le gros pognon, en fait. Parce qu'il faut bien comprendre un truc, c'est ceux qui nous écoutent le savent probablement. En fait, n'en ont probablement rien à foutre, parce que personne de nos jours aujourd'hui ne lit un canard papier. Mais les vieux, ils lisent les canards papier, vous voyez, ils les lisent. C'est-à-dire que pour eux, c'est écrit. Parce que l'esprit humain est foutu de telle façon que. Des lettres marquées sur du papier, ça a une espèce d'autorité naturelle, et ils prennent ça pour argent comptant. Donc, ne parlons même pas de l'image, vous voyez. Le problème, c'est qu'il y a des monopoles partout en France, dans toutes les régions, dans les départements même, où il y a des gens qui sont assis sur des canards régionaux. Par exemple, il y a Bailey, dans la région toulousaine, là, qui est assis sur son immonde... torchon cassoulet judéo-maçon absolument affreux, où on te vend du bouilloule, du nègre matin, midi et soir, du migrant. Voilà, bah ça c'est un reliquat de la libération, entre guillemets, en 1944, où on a pondu des canards régionaux, et puis de père en fils, on se refile le torchon. Et on n'interroge rien, sauf qu'aujourd'hui c'est YouTube, sauf qu'aujourd'hui c'est Facebook, sauf qu'aujourd'hui c'est les blogs, etc. Et les gens, ils ont tellement de sources d'informations qu'en fait, ils n'écoutent plus unanimement une voix. Voilà, ça c'est fini. Mais il faut bien comprendre un truc, c'est-à-dire que ceux qui nous dirigent, les députés, les partis, etc., les préfets, ils sont convaincus que ces torchons à la con ont une autorité. Et effectivement, ils ont une autorité sur les vieux. Mais ils n'ont pas d'autorité sur les jeunes. C'est-à-dire qu'un jeune aujourd'hui qui a, je sais pas, 25 balais et moins, il n'en a rien à carrer d'un canard écrit par un trou du cul gauchiste, pigiste, qui est payé avec de la mie de pain pour essayer de faire son putain de sermon à la con pro migrant. Il n'en a rien à branler. Parce qu'il va sur Internet, non seulement il prend de l'information, mais il s'exprime. Donc c'est torché, ça, c'est fini. Et ça, c'est intéressant. Donc on est dans une nouvelle phase de l'information. Et c'est ça qui les fait flipper. tout leur baratin, les fausses nouvelles, etc., ils veulent juste contrôler les réseaux sociaux. Ils veulent les contrôler parce que les gens ne pensent pas, ne s'expriment pas comme il faut en Europe. Ouais, putain, tu prends une couche de Soudanais qui violent ta sœur, ouais, t'es pas content, t'es en colère. Ouais, mais ça va plus parce que Zuckerberg, le gros juif Zuckerberg, il est pas content. Il dit, ouais, mais moi, j'ai passé un deal avec Merkel, etc., qui a passé un deal avec l'ONU, qui a passé un deal avec Goldman Sachs. Et... voilà, oui, mais on en a rien à branler, c'est que voilà, ton putain de Soudanais, on veut pas le voir chez moi, ni chez toi, ni nulle part. Voilà. Et voilà, et là, la narration part en couille. Et t'as des branleurs sous pseudo, comme dit cet enculé de Soral, t'as des branleurs sous pseudo, en fait, qui font l'histoire. C'est ça qui est excellent, quoi. C'est, t'as des branleurs sous pseudo qui font l'histoire, qui changent tout, qui changent la narration. Ils arrivent, ils disent, ils expriment leur quotidien, et même sur des forums comme voilà, le 1825, ils disent, voilà, même si, je veux dire, sur le 1825, il y a des mecs, tous les mecs qui nous crachent dessus sur le 1825, généralement, moi, je le sens, tu vois, je le sens, c'est des putains de maghrébins à la con de 18 ans, c'est des putains de métèques, c'est des putains de nègres ou de métis de merde. Les petits blancs, qui vivent dans des villes cosmopolites, etc., qui se font menacer par des salopes d'Algériens, ils sont pas d'accord avec nous ? Question ? Mais si, évidemment. Donc sur le 18-25, il y a de la frite, et c'est bien qu'il y ait de la frite. Mais c'est du pseudo, ça fait partie du jeu. Mais les mecs qui sont hostiles aux intérêts des blancs sur le 1825, c'est des putains de nègres, des putains d'Algériens, des métèques de mes deux qui haïssent le blanc quand ils se réveillent. Voilà, c'est ça la vérité. Et cette guerre-là, effectivement, elle a aucun écho dans les journaux mainstream. Ça n'existe pas. C'est une discussion qui n'existe pas. Et pourtant, qui a un poids. Et là, je me dis, le pouvoir est en train de changer de main, quoi. Bah, c'est-à-dire que c'est clairement en partie ça. Alors évidemment, c'est pas tout, parce qu'il y a eu des gros coups qui ont été joués. Mais l'élection de Trump ne s'est pas jouée à beaucoup de choses, en termes même de d'États qui ont été remportés, etc. Par exemple, la Pennsylvanie et tout le bordel. Et c'est évident que tout le foin qui a été fait sur Internet, sur les réseaux sociaux... sur la candidature de Trump a fonctionné, et à mon avis Trump n'aurait pas pu être élu sans cette dynamique. Donc l'histoire des branleurs sous pseudo qui ne servira à rien, voilà, blablabla, c'est juste du baratin. C'est du baratin. Ce phénomène a un effet concret, observable pour ceux qui ont suivi l'élection américaine, c'est évident. Et quoi qu'on puisse dire des soutiens au niveau du gros pognon, au niveau de certains exécutifs, voilà, de grands groupes pour Trump, tout ça ne serait pas allé jusqu'au bout sans la dynamique présente actuellement sur les réseaux sociaux. Donc de toute façon, c'est quelque chose qui est là, en fond, qui couve. Et à mon avis, l'augmentation de la censure ne va faire qu'accélérer le phénomène. Ce qui est positif. Oui, oui, tout à fait. Ouais, c'est ça, c'est une validation, en fait, du boulot qui est fait, quoi. Moi, je pense que t'as raison, en fait, Fred, hein, t'as dit le truc, c'est-à-dire que plus la répression monte, plus ça veut dire, en fait, les mecs sont sur la loose et voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ils disent « Bon, ok, on vous a pas avec les idées, mais on vous aura avec le bâton, quoi. » Ce qui est juste la meilleure façon de foirer. ce qui va liguer les gens qui, au départ, étaient pas forcément de notre bord contre eux à un moment donné, quoi, parce que il y a parmi les populations qui sont actuellement qui étaient contre nos idées des gens qui sont intellectuellement honnêtes, qui vont se dire bon, attends, ça fait 40 ans qu'on dit que ce bord là c'est des fils de pute finis, c'est le mal incarné et compagnie, mais en attendant qui censure, qui est contre le droit des peuples à s'exprimer, contre ci, contre ça, bah, les gens qui vont se réveiller, quoi. C'est difficile de baratiner, tu vois, sur la liberté, etc., comme le font ces enculés socialistes. Je dis socialistes, mais c'est tellement large. C'est-à-dire que moi, j'inclus tous les politiciens professionnels, tous les journalistes, j'inclus tout ce système, en fait. De voir ces types t'expliquer que t'es un fasciste matin, midi et soir, alors que c'est les mecs qui soutiennent les islamistes à Alep et tout, tu vois, parce que ça fait lien, on peut pas sectionner, c'est-à-dire que c'est le même truc. Ils nous crachent à la gueule. Ils crachent à la gueule à Alep, dans cette ville de Syrie, c'est un pays en guerre. Ils ont choisi leur camp. C'est marrant, c'est-à-dire que les mecs te disqualifient, te disent « Ouais, mais casse-toi, tu pute, t'as aucun... marche à l'ombre, t'as pas voix au chapitre, barre-toi, tu vois. Attendez, au bout d'un moment, tu mets en avant leurs contradictions, tu te rends compte en fait que leurs indignations, c'est de la chiasse, parce que quand tu vois leurs potes, tu te rends compte que c'est les pires des crapules, des pires des enculés, c'est des fils de pute. Ils ont aucun, en réalité, ils ont aucun problème avec les coupeurs de tête. Ça, à la limite, ça les excite. Et tu te dis, ok, d'accord, donc moi, je suis l'enculé au plan moral, et leurs potos, là, qui coupent des têtes, qui financent tout, etc., juste pour s'envoyer des putes, parce que c'est ça, en fait, hein, leurs potes saoudiens, c'est juste envoyer des putes sous coke, comment dire, sur des îles paradisiaques, hein. c'est ça le plan, hein. Quand tu vois que c'est ça, ces gens-là, qui te font la morale, tu dis, écoute, moi, je suis un prolo blanc, ok, t'es bougnoule, t'es nègre, ta géopolitique pro-bougne, je m'en carre le cul. François Hollande, ton parti socialiste, enfin ce qu'il en reste, François Fillon, le Qatar, tout ça c'est de la chiasse, exactement comme tous ceux comment dire, qui sont ligués contre Donald Trump. En réalité, c'est une carte civilisation. Et puis le petit blanc qui est bien, voilà, le branleur sous pseudo, voilà, qui fait ce qu'il peut. Et là, peut-être que c'est lui qui porte la vérité, peut-être que c'est lui qui va faire la différence, quoi. Tu vois. Ne pas sous-estimer les petits mecs qui triment au quotidien et qui peut-être à un moment donné de l'histoire, ils vont faire pencher la balance plutôt dans un sens plus que dans l'autre. Mais c'est sur eux d'ailleurs que repose tout le système, hein, parce que si t'as pas les petits blancs qui travaillent, hein, de la classe ouvrière jusqu'à la classe moyenne, qui triment et qui payent l'invasion de nègres avec leurs impôts, il te reste quoi? Bah, il te reste la gloire du Parti Socialiste, il te reste aussi Harlem Désir et toute la crasse bougnoulo-négrificatrice, ce qui peut-être dans une autre dimension valoir quelque chose. En tout cas, dans le monde réel, ça vaut rien. Et pendant ce temps-là, au Congo, Troposphère 6... Voilà, qui a dépassé, je pense, je sais pas, rien en fait. Bon, on va se quitter à la semaine prochaine pour une émission aussi péchue, aussi réconciliatrice. Frédéric Dans-l'Évier, je te laisse la conclusion. Bah écoutez les gars, à la semaine prochaine, amusez-vous bien, regardez sous votre lit, vous assurez s'il n'y a pas des Russes qui traînent, et voilà, à plus. Pulbert. Ouais, voilà, même chose, que peux-je dire de plus? Je sais pas, j'aurais subodoré peut-être que t'étais anti-russe, tu vois, pro-Obama. Ah, pas du tout, anti-bolchevique, mais pas anti-russe. Pour autant que je sache, les Russes ne sont plus des bolcheviques depuis longtemps. Effectivement. Et surtout que les bolcheviques étaient un peu marqués ethniquement. Ah oui, puisque je ne sais plus qui disait qu'en fait le bolchevisme, c'est le communisme juif. Qui a dit ça? Je ne sais plus, il faudrait que je retrouve, mais quelqu'un l'a affirmé. Et c'est un auteur, je pense, contemporain. Relire Solzhenitsyn, Deux siècles ensemble. Il y a des choses à creuser là-dedans. À la semaine prochaine, chers amis. À la semaine prochaine. Plus.